Indestar. Bonjour à tous, vous êtes sur Indestar avec les PK Avengers. Il est 21h. J'ai failli me l'ajouter. À ta suite. Confirme, c'est que du bonheur, surtout quand on se prend le micro dans la gueule. Oui. Si vous voyez à la caméra, hop, voilà, ça remonte. Pouf. Voilà, c'est une petite bifle de micro pour commencer. Oui, voilà, je sais ce que c'est. Mais effectivement. On sait que t'aimes ça. Voilà. Oh. Donc, comme je l'ai dit. Commence en finesse. Oui, ah bah. Toujours. Les PK Avengers, toujours. Dans la subtilité. Donc, vous êtes dans les PK Avengers sur Indestar, il est 21h02. Ils sont dedans. Oui. Oui. Ouais. On va s'arrêter à 23h en théorie. Mais bon, les théories de nos jours. J'espère. C'est plus ce que c'était. Surtout qu'en plus, je sens qu'on va bien se marrer dans cette émission, même si on est un peu shooté. Hein. On va pas se leurrer ce soir. On s'est tous drogués. On a mangé les pizzas. D'ailleurs, on fait un petit coucou aux Seven qui nous ont livré avec de l'avance. Ils nous ont livré à l'heure, même avant. Oui. Voilà. Est-ce qu'il vous est arrivé des trucs dans la semaine? Non, là, moi, perso, hein, Thomas commence à me manquer. Enfin, il me manque déjà. Oh, trop mignon. Non, t'es pas obligé de lécher le cul, il sera plus président des Zouaves bientôt. Thomas, oui, on fait des big up à Thomas, qui est le président du Zouaves, évidemment, et qui fait partie d'Enrôlé dans la folie. Il est en tournage pro, il fait un stage. Je précise qu'il ne dort pas beaucoup. Oui, voilà, il m'a envoyé un message tout à l'heure. Non, même pire. Enfin, il a dormi 4 heures ou je ne sais quoi. Ouais, tous les soirs, ça se passe bien. Il fait quoi comme horaire Il doit se lever à 5-6 heures et il finit à 20 heures. Bah, je crois qu'il y a un truc du genre. Ah oui. Ouais. Voilà. C'est ça. Régisseur, c'est dur. Ouais. c'est pas une sinécure. Hein. Donc on le reverra sans doute début décembre, je ne sais plus quand. Je crois qu'il revient le 7-8. Pile poil pour enrôler dans la folie. Parfait. Voilà. Bon timing. Y a-t-il quelqu'un? Si, Antoine. Ouais. Toi, t'as fait un truc sympathique avant de venir. Oh oui. Allez, parle-nous de ça, dis donc. Oui. T'as pas voulu manger de la pizza? C'était bon. Je n'ai quand même mangé, t'inquiète pas. Ah bah tu vois, je te l'avais dit que tu craquerais, de toute façon, elles sont trop bonnes les pizzas. Ouais. Mais pourquoi t'as pas voulu en manger tout de suite? Parce que je travaille dans une école primaire. Et comme toute école primaire, il y a des petits. Ouais, jusqu'à là, ouais, ça. Des prêtres aussi, là, ça va. C'est bon, on arrête avec les prêtres. Et sauf que les petits, des fois, ils font leurs besoins. Ah bah c'est pas que des fois, hein, je te rassure, en théorie ils sont tous programmés. Et là, je savais pas qu'ils nous ont débrouillés, ils ont réussi à mettre sur les murs. Et bah je crois qu'ils s'en ont mis sur les mains et se sont amusés à étaler. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça, hein. Alors, parce que tu m'as montré des jolies photos, parce que tu aimes prendre des photos de ce genre de détails. Un objet, c'était pour être patronne, ton objet de leur dire, objet de signaler quoi. Oh, la patronne, elle doit regarder ça. Non, mon objet de signaler. D'accord. Eh ben, un gros big up à cette école. J'ai aussi une bonne nouvelle. Pour animer la journée d'Antoine. Ah, t'as une bonne nouvelle? Ouais, normalement le 11 décembre, je passe mon permis de conduire. Oh, attends. Attends, j'ai pas un petit bruitage pour ça? Attends, y'en a pas. J'ai pas. Ça va être, hein. Y'a des applaudissements dans le coin ou pas? C'est dommage. Steak. Steak. Ouais, si tu veux, allez. Steak! Voilà, on a steak. Voilà. Ce magnifique bruit qu'on a souvent entendu dans Actu Solite lundi. J'ai ramené ma fraise. Moi, j'ai commencé la conduite mercredi. Ah, c'est vrai? Oui. Pas ça mérite un steak aussi, ça. Merci. Ouais. Steak! Steak! Oh, on va se taper des délires ce soir. Parce qu'en plus, alors là, vous le voyez pas, mais j'ai une nouvelle palette. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Avec des bruitages d'un jeu que je vais vous parler. Il s'appelle Cochon de guerre. Je vais vous en donner un comme ça. Allez, on va dire celui-là. Faut taper deux fois. Tape deux fois, Teddy. Brossé dans la lucarne. Voilà. J'ai pas choisi spécialement le meilleur, mais. Voilà. Tu veux pas nous en mettre un petit autre? Un bien. Allez, je t'en mets un deuxième. Allez, un bien. Un petit deuxième. Un petit bien. Celui-là, je l'aime bien aussi. Oh, je revois toutes mes bières. je précise, la personne qui dit ça, elle est en train de mourir, de base. C'est pour ça qu'elle dit ça. D'ailleurs, en parlant de. Où est passée ma feuille? Ta feuille? J'avais une feuille juste là. Elle est disparue. Oh! Ouais, bon, bah, je sais pas, tant pis. Ah, c'est ça. Hein là, c'est ton jeu, Dishonored. Merci. Dishonored, je sais pas comment on peut le dire en anglais. Dishonored. Ouais. C'est ça que tu vas nous présenter bientôt juste après la musique. Ouais. On va écouter Nola d'abord. On ira. D'ailleurs, et moi, comment je vais On s'en fout. Ben, on s'en branle. Ouais. Non, par contre, toi, je sais que t'as payé ton amende ce matin. Ouais. Parce que vous êtes pas sans savoir que Jolan a. s'est fait sucrer son permis il y a quelques... Il y a un mois, ça va faire 3 mois, là. 3 mois. Ah, j'imaginais ça plus. Steak. Ça mérite un steak, ouais. C'est ça. Mais ouais, je me suis fait suspendre le permis pendant 3 mois et je le récupère le 29 décembre, normalement, donc c'est bientôt. C'est un beau cadeau. Ça va, oui, ouais, c'est cool. Cadeau, ouais. Et le mauvais cadeau, c'est que j'ai payé 450€ d'amende ce matin. Ça, c'est moins cool. Ah, il a perdu 6 points aussi. Et j'ai perdu 6 points. Ouais. Ah, ouais, j'ai bientôt en avoir 6 moi. On va avoir autant de points avec Antoine. Tu sais, quand va, vous recommencez sur un pied d'égalité. Ah, peut-être, je croise les doigts, je croise les doigts. Mais tu l'auras, t'inquiète pas. Sinon, c'est. Steak. On verra bien. Ouais. On annoncera ça dans PK Avenger. La grande nouvelle du mois de champagne. Le 11. Champagne. Oh, on te prend en mot. Hein. Et vous avez entendu, il a dit champagne. Hein, mmh. J'entends du mousseux. C'est moins cher. Du pétillant. Ah, du champomis tant qu'on y est, tiens, ouais. Allez. Ah ouais, tiens, du champomis, ouais. On a dit pas d'alcool dans le studio, donc champomis. Ouais, mais on a... il y a l'open space. Il y a hors du studio aussi. Non, on a dit à la radio. Le studio, c'est ici. Ah, mais on a dit dans tout le... Ah bah non, non, parce que ça marche pas. C'est marqué dans le règlement. Ouais, mais non, pas dans le règlement du SVA. Donc, donc ça passe. Ouais, parce que là, les litres de bière... Chez Indestar, la bière est abolie, je crois, non. Je suis pas sûr, il y en a dans le frigo, donc... Ah, bon, bah... Mais ça, c'est le SVA qui essaie de corrompre. Exactement, voilà. Bon. On va écouter Nola. Ouais. On ira. Et après, tu nous présenteras ton jeu. On ira. Dissonnerie. Oh, ah bah, on ira où bah. Oh, on sait pas, on cherche toujours. C'est Nola qui a décidé, c'est pas nous. C'était Nola. De 21h à 23h le jeudi sur Indestar, la pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Le jingle que j'ai coupé. Désolé, t'es dit. Non, bah non, c'était faux. J'ai mangé le jingle ouais, en pleine voilà, tronche. Voilà. Ah, j'aurais préféré manger un granola. Blague d'Antoine nous a fait pendant la musique. Ah, si on met gras devant Nola, ça fait granola. Ouais. Ouh. On n'a pas applaudissement. C'est dommage qu'on n'ait pas applaudi. Eh ben, tant pis, on l'applaudit pas. Pourquoi on l'a plus? Tiens, on va... dans ce cas. On va t'es violent, ça. Mec, je te jure. Voilà. On improvise avec ce qu'on a. Ça arrive deux. Ah c'est ça dans les PK Avengers. Il y a rire 2 là en dessous. Il y a rire 2, non mais c'est le rire 2. Ouais, non mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Je t'ai déjà mis un truc bien là. C'est bon. Ah, remets-le, j'ai pas entendu. En parlant de trucs bien. Hein? T'as pas entendu? Non, j'avais pas entendu. Ah, il a pas entendu. T'as pas entendu ce que je t'ai et mis? Bah, allez, là, je parle en même temps. Pour l'occasion. Ah, il nous a fait une blague avec Granola. T'es violent, mec, je te jure. C'est magnifique. C'est ça passe nickel. C'est moi ce qu'on aurait dans les cassos. Non, ça vient pas des cassos. Avec la voix. Non, mais avec ça... la voix. Ah oui, oui, c'est vrai. Voix, c'est même Dylan en a parlé tout à l'heure. Ouais. Ça ressemble ouais. pas mal à la voix des cassos. À Mister Edouard. C'est possible. Mmh. On sait pas. Mais bon. Là, ça, cette voix-là vient du jeu Cochon de guerre, des guignols, de l'info. Enfin, j'en parlerai tout à l'heure. Là, pour l'instant, on va faire le jeu de. Jolan. Oh là. Oh là. C'est pas une bonne soirée, ça. Le jeu de Jolan. Oui. Vision Raid. C'est ça. Vision Raid, alors c'est un jeu qui a été créé par le Bethesda, celui qui a créé Skyrim, le développeur. Baisse un peu le bed. Je baisse un peu le bed. Ouais, merci. C'est vrai qu'on entend moins Jolan. Ouais. Oui, là, je... On m'entend moins. Oui. Lèche ton micro s'il te plaît. Non, non, c'est bon. Pourquoi c'est fais l'amour à la caméra. La caméra m'adore. Alors il a été créé en 2012, donc il commence à dater. Il est sorti sur les plateformes PlayStation 3, Xbox 360 et Windows. Mm-hmm. Voilà. Alors Vision Raid, c'est un jeu en vue subjective qui propose d'adapter son gameplay. Donc si tu veux là jouer discrète et ne pas tuer les gens, tu peux le faire. Ouais, c'est ça, t'es un assassin et t'es en fait, un assassin, en fait t'as deux choix. Ouais, j'allais y venir. Ouais. Mais t'incarnes un assassin en fait. Et t'as deux choix possibles de jeu. Tu dois soit tuer tout le monde, c'est le mode KO. Et du coup forcément, quand tu tues tout le monde, ça a un impact sur le jeu. Je peux comprendre. Voilà, la fin est différente, enfin, tout change. C'est un GTA. Le comportement des gens change, ils vont être plus distants, ils vont être plus méfiants quand tu vas foutre le bordel. Et si tu es plus jusque là, c'est logique. Voilà, c'est logique, ouais. Et si tu es discret, bah, les gens vont être peut-être un peu plus loquaces avec toi, plus gentils. Et puis y a deux façons de finir le jeu différentes. Et après, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de petites quêtes annexes à côté. Donc, en fait, t'as deux modes, t'as professionnel et boucher. C'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, en gros, si vous voulez, je vais vous raconter un peu l'histoire du jeu pour faire court. Mais en gros, on incarne le garde du corps d'une impératrice qui s'appelle Jasmine Calvin. Et qui, en fait, il y a un coup monté. Je spoil parce que le jeu est quand même sorti en 2013. Mais la nana se fait tuer. Coup monté par des dirigeants en dessous d'elle. T'étais son garde du corps? J'étais son garde du corps. Ah, t'es mauvais, Jack. Mais du coup, on est mauvais parce qu'en fait, il y a plusieurs assassins qui arrivent. Et en fait, la difficulté de ces assassins, c'est qu'on a des pouvoirs. Eux se téléportent. Ah oui. Du coup, c'est pratique pour être assassin. Du coup, c'est un peu pratique. Donc, nous, au début, on peut rien faire. T'as une cinématique, tu te fais défoncer, tu vois la reine qui meurt. Et il y avait la petite fille de la reine qui est la nièce de l'assassin, enfin du garde du corps qui se fait enlever. Et en fait, le but de cette histoire, c'est en gros, c'est de. Tu évolues dans l'histoire en essayant de retrouver ta nièce pour la mettre sur le trône, en fait, à la place de sa mère. D'accord. Parce que du coup, en fait, les gens qui ont monté ce coup-là, c'est des méchants qui ont voulu te faire tomber en gros en fait le régime de l'impératrice. Voulu faire tomber le régime de l'impératrice. Ils ont voulu te faire passer pour le meurtrier parce que du coup tu te fais arrêter, donc tu te retrouves t'es le seul survivant. Tu te retrouves dans les geôles du château. Ça c'est pas de bol. Voilà, du coup après il y a à l'extérieur, ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui t'aident, donc t'arrives à sortir de tôle et grâce à ces gens-là normalement t'es censé pouvoir réussir à sauver ta fille. Moi j'ai une question. Enfin, ta nièce, du coup. Parce que, sauver sa fille, ça paraît normal, ça me fait même penser à un film Token, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, ou que le mec, je vais te retrouver. C'est vrai. Enfin, voilà. C'est Luc Besson qui l'a fait. Ah ouais? T'as vu, j'ai une bonne culture. C'est une production française. Non, je connais pas beaucoup, mais. Pourquoi ils veulent mettre sur le trône? C'est qu'un garde du corps? Non, pas Corvo, la petite fille, la nièce. Oui, mais pourquoi ils veulent mettre sa nièce sur le trône? Parce que c'est l'héritière du trône, en fait. Ah, donc il fait un peu partie de la famille, le garde du corps. En fait, le garde du corps, ça doit être l'oncle ou... D'accord, ouais, parce que d'accord. J'ai précisé tout à l'heure que c'était sa nièce. Parce que genre, le mec, il est garde du corps. Oh tiens, bon, bah, il n'y a plus personne. Je vais mettre ma nièce. Allez, Après, dans ce contexte-là, c'est vrai que c'est pas très cohérent. Ok. Mais d'ailleurs, je voulais vous faire écouter un petit son du jeu. C'est assez sombre comme jeu. Est-ce qu'on va y arriver à le mettre? Ah ouais, là, c'est sombre. Voilà, donc c'est quand tu arrives dans le menu du jeu. Voilà, c'est le son qui se lance. Son intro. Voilà. Ouais. C'est assez sombre en fait parce qu'il y a un côté obscur aussi parce que tu deviens un peu un surhomme. Il y a un outsider qui apparaît. Est-ce que t'as réussi à bien t'immerger dans le jeu? Ouais, en vrai, j'ai 388 heures de jeu. Waouh. Donc, ouais je crois qu'il s'est, il s'est totalement immergé. Comment trouvez-vous tout ce temps pour jouer? On n'est pas les scats. Qui a joué dès que le jeu est sorti? J'ai joué dès que le jeu ou est récemment, sorti. Ou récemment, okay. Là, j'ai arrêté parce que j'ai fait un peu le tour du jeu. Au bout de 388 heures, j'ai fait le tour du jeu. Ouais. Et tu l'as fini? Je l'ai fini à 100%. En fait, c'est pour ça que j'ai autant d'heures dessus. C'est que j'ai fait toutes les quêtes annexes, la quête principale aussi. D'accord. Donc, il y a du contenu quand même. Il y a quand même du contenu. Matière à travailler, c'est pas comme Pokémon. Ouais, voilà, c'est un peu plus dynamique, je dirais. Parce que pour la petite info, on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière que j'allais acheter Pokémon, je crois. Ouais, tu l'as. Je l'ai acheté le samedi et je l'ai presque fini. Là. Le dimanche. Alors, l'histoire, je l'ai fini et c'est juste le Pokédex complet là que j'essaie de finir. Il t'en reste combien là? Je suis à 358 ou 78 378 sur 400. Voilà. Bon, ça vous parle peut-être pas grand chose, mais bon, il manque pas beaucoup de Pokémon pour tout finir. Moi, je peux ranger le jeu au placard, j'ai attendu pendant un an. Et... ça doit être frustrant un peu, hein, t'arrives à la fin du Pokédex, tu dis merde. C'est ça. Et il y a des jeux comme ça, tu les attends depuis super longtemps, ils sont bien en plus, hein, il est bien. Mais le fait qu'il n'y ait pas tous les Pokémon, que ça soit vachement court et tout, ça la fout un peu mal. J'étais à 5. T'avais envie d'y jouer. Oui. J'étais à 5, je l'ai fini en 2 jours, moi, dès qu'il est sorti. Hein. 2 jours. 2 jours, j'ai tout fini. Ah ouais. Et du coup, pour en revenir à mon jeu... Tu l'as pas fini en 2 jours. Non, moi, je l'ai fini en 1 semaine. Donc pour vous dire, la quête principale est plutôt rapide. C'est tout le reste, c'est comme un Skyrim. C'est un peu comme un Skyrim, t'as des quêtes annexes. Du coup, il y a une suite qui a été remasterisée, qui est Dishonored 2, qui est sortie le 11 novembre 2016. Ouais. Et j'ai malheureusement pas acheté la suite parce que... Ça change de personnage principal, l'histoire change totalement, ça n'a rien à voir du coup. Mais si ça se trouve, ça peut être bien quand même. Ça peut être bien, j'ai vu des streamers y jouer en live et tout, mais j'ai pas accroché, j'ai fait non, c'est what the fuck, ça me convenait pas. Du coup, c'est le seul genre de jeu auquel j'achète pas la suite. Ok, d'accord, ouais, ça arrive. Ah, j'étais un peu déçu de la suite. On a tous vécu ça, je pense, un jour ou l'autre. Hein. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être déçu d'un film ou d'un jeu. Ah, bah si, Fallout 76 par exemple. Si. Ouais. Ah, voilà. Bah les films, oui, ça j'imagine que. Ouais. Ah, bah oh là. Oh oui. un film rapide où vous avez été déçu? Gravity. Gravity. Ah ouais. Ah mais c'était pas genre, ça parlait pas un peu de Alien ou genre de Sandra Bullock qui est perdue dans l'espace. Oui, non, mais qui est pas perdue, mais qui. Ouais, et toi Marguerite, c'est trop long, bah, pareil aussi, mais t'as peut-être un autre. Alors ça fait très longtemps, mais j'adorais les films comment s'appelle, j'ai oublié Pony. Le nom, non, MLP pour les intimes. Putain, comment c'était, je peux pas te dire à ta place. Je vais vous retrouver. Divergente, voilà. Ah oui. Les films, mais ah, mais quelle horreur. Mais genre rien à voir. Et à ce moment-là, t'avais lu les livres. Ah oui. Horrible, ça t'a piqué les yeux. Ah, mais ça m'a brûlé les yeux. Ouais, j'ai vu le premier, j'ai pas voulu voir les autres. Divergente, ça vous pique les yeux. Hunger Games, j'ai revu les yeux. Hunger Games, ça va. En tout cas, jusqu'au. Moi, je suis fan aussi. Le premier, ouais. Oui, après, ça j'ai un peu what the fuck. Vous parliez de Hunger Games. Hunger Games. Ah, ok. Parce que. Bah, apparemment, une adaptation de livre en film, c'est moyen. Bah, sauf Les Seigneurs des Anneaux, genre l'adaptation. Ouais, elle est ouf. Mais c'est parce que c'était pas teenager pour le coup. Non, peut-être Harry Potter, là vous êtes peut-être moyen. Mais c'est teen ado quoi. J'ai jamais lu. C'est ça. Vous avez jamais vu. Quoi ? J'ai pas lu les. Non, j'ai pas lu les livres. T'as pas lu les films ? Non, j'ai pas lu les livres. Pour la spéciale Harry Potter, on va être bien. Bon, on va appeler Cindy. Ah bah, je te confirme, c'est prévu. Ah, mais je la pousse un peu à venir. T'inquiète. Ouais. Alors, Cindy, on a Ben, on a. Ah ouais, Ben. Ah ouais, bah, il est fan d'Harry Potter et tout. Oui. Il y a même, si je me trompe pas, c'est Florent de Disva. Il a un. Ah bon ouais, il a un tatouage. Les reliques de la mort. La marque des ténèbres. Ah ouais. Non, le relique de la mort, c'est Florent, un triangle avec un rond et une baguette au milieu. Oui, je crois que Florent, il a ça. Ouais, Cindy, elle a la marque des ténèbres. Alors, Cindy, ouais, elle a carrément la marque des ténèbres sur son avant-bras. Mange-moi. Et elle a même écrit un livre qui reprend. Une fan art. Une fan fiction, pardon. Elle a écrit un livre, oui, une fan fiction. Du point de vue de Draco. On en a 44 chapitres. Du point de vue de Draco Malfoy. Ah, donc c'est une spécialiste. Je comptais la lire un jour. C'est Serpentard, quoi, direct. Ah, bah, elle est dans les méchants. Pas forcément. C'est pas ce qu'elle te dira, fais gaffe. Ah, bah, si tu dis ça. Justement, je l'attends. Ah, on va mettre plein la gueule. On va se faire déglinguer. Ah, mais si t'es Serpentard, t'es nazi. Oh oui. On arrive tout de suite au point Godwin. Ah, bah, ouais, oh bah, totalement. Ouais, vous toujours avez Harry Potter, vous êtes quel team? Serpentard, Pouf-Souf, Pouf-Souf, Serdaigle. Serdaigle, c'est bien aussi. Alors, j'avais fait le test et je crois que j'étais un vulgaire Serdaigle. Enfin, vulgaire. Vulgaire. Quoi? Je veux être Gryffondor. Oh. Je veux être rouge, moi, j'aime le c'est rouge. C'est surcoté Gryffondor. Ouais. Je veux être rouge. J'avoue. Je veux être rouge, avoir une épée. Ils conduisent tous des Peugeot là-bas. Oh mon dieu. C'est trop bien. Ça, je savais pas qui. Si, puisque. Bah, si, oui, forcément. Ouais. Oui. Ouais. Et toi, Antoine, t'es quoi? Moi, je sais pas, je suis pas fan d'Harry Potter. Ouais, mais t'as peut-être une petite maison préférée. Tu préfères quoi? Les méchants de l'histoire, les Serpentards? Non, Gryffondor. C'est gentil, je crois, les Gryffondor. Ouais, ça dépend. Oui. Ça dépend sur quel côté on se place. Ouais. C'est ça dépend d'où on se place. Parce que, ça par exemple, du point de vue de Cindy, ça, c'est pas que c'est des méchants, mais c'est que c'est des connards, en fait. Oui, voilà. Globalement, ça peut être ça. C'est vrai que d'un côté, ouais, Godric, il était pas totalement cool. Mais bon, moi, j'aime bien le rouge, donc je suis toujours pour les rouges. C'est aussi simple que ça. Ça me rappelle Interville, j'étais toujours pour les rouges. Non, moi, j'aurais une question, juste pour revenir sur le jeu de comment tu fais, enfin... D'où tu te dis tiens je vais jouer à ce jeu là, est-ce que tu t'as regardé une vidéo sur YouTube, alors, est-ce que c'est un ami chez un ami que tu as pu jouer et... J'avoue, comment vous choisissez vos coups, voilà, comment tu fais que waouh ce jeu En fait c'est variable parce qu'en fait je suis sur la plateforme Steam, je sais pas si vous connaissez. Ouais, oui, c'est une plateforme qui propose plein de jeux en fait. Tu peux les acheter, c'est une plateforme qui propose plein de jeux. Là-dessus j'avais testé Civilization. Civilization 5. Je connais, ouais. Il m'avait recommandé ce jeu-là parce que je joue pas principalement ce genre de là, Assassin's Creed et tout. C'est Steam qui te le recommande en fait. C'est Steam qui me l'a recommandé. C'est un programme informatique. Il y a des algorithmes. Ouais, mais avant de l'acheter, je me renseigne en fait sur internet. Tu vas voir les critiques qu'il a eu. D'ailleurs, il est moins coté sur console parce qu'il a des petits problèmes, il a des bugs genre de. Ils appellent ça comment Oui, il a joué des bugs PC. D'affichage. Ouais, non, mais attends, il y a le mot en anglais. D'ailleurs, j'avais fait la traduction quelque part. Je suis en train de chercher. Oula, là, ça, on va taper dans le haut de gamme. C'est le screen training. Le quoi le screen training. Ok. Ah, le screen training. Ah, vous, voilà. Ça vous parle ça donne si quoi ça en... parle, dans votre langage à vous bon, en fait, si vous voulez, c'est. Écran. Figé c'est un bug d'affichage. Il y a un bug d'affichage. Ouais. L'écran qui bug complètement. Sur les consoles, parce que le flux vidéo passe mal. C'est pas bah, il suit fait. Moins bien que sur un PC, quoi. Ouais, sur PC, c'est plus agréable, c'est plus joli aussi hein, de jouer sur PC, je trouve. Mmh. Faut avoir un bon PC. Quoi. Voilà, faut avoir un bon PC. Et, d'accord. Mais ouais, c'est un jeu que j'ai apprécié, ouais. J'ai quand même 388 heures de jeu dessus. Donc, ouais, c'est. Ouais, pas mal. Si c'est vous aimez un peu les côtés. Genre, incarner un assassin, les côtés un peu sombres et tout. En fait, tu peux voir aussi dans cet univers-là, tu vois l'envers du décor de la ville aussi. Dans laquelle tu es. C'est quelle ville d'ailleurs? C'est une ville fictive ou une vraie ville? C'est une ville fictive. Ah d'accord. Bon, bah, est-ce que le nom est pas très important? Parfois, tu t'intéresses à la conception du jeu? Ouais, bah oui, ouais, ouais. Je me suis intéressé par, bah, okay. par qui ça a été créé. Justement, c'était créé par, édité par les créateurs de Skyrim. D'accord. Bethesda. Bethesda, ouais, ils sont super connus pour. Et je pense la vraie question de Galen, c'est en gros, est-ce que tu t'intéresses aux algorithmes, comment fonctionne un bot, ou je sais pas, non, peut-être pas. Ah, non, ceux qui le créent, de quoi ils s'inspirent, ce genre de choses. Pas spécialement, je m'intéresse un petit peu à l'histoire. Ouais, l'histoire, mais, l'histoire de la création. Moi, non. J'aime bien savoir en gros quel éditeur c'est. Ouais. Pour savoir en gros, pour voilà, donner une idée de ce qu'il a déjà fait. Mmh. Genre par exemple, un jeu Blizzard. Tu vois, si je vois qui a écrit Blizzard sur le jeu, je me dis ah, il est peut-être pas mal en fait, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. En termes de gaming, je fais à peu près la même chose. Ouais, Capcom aussi, ouais. Je me dis Bethesda. Je sais que ça peut être des jeux qui peuvent. Ouais, c'est au niveau d'un. Ouais, Bethesda, ils pèsent un peu dans le game. Du coup, je me suis dit, bon, ça va être de la merde ce qu'ils vont sortir. Donc, j'aime. Voilà. Sauf Fallout 67. Non, attends, hein? c'est pas Bethesda. Attends, tu vas te faire insulter. Dans... Bah, si, c'est Bethesda aussi pour le coup. Ah, Fallout, je crois pas, non. Bah, si, c'est comme Skyrim. Sûr? Ah bah oui, j'ai même acheté un pack Oblivion avec Fallout 3. Mais oui, si, c'est même. Okay. Bon, le concept est même, ça se voit que ça a été pas copié-collé, mais c'est juste l'univers qui est différent. T'as un univers, c'est post-apocalyptique, et l'autre, c'est médiéval fantastique. Mais sinon, c'est le même concept, tu te balades sur une map. Voilà. En tout cas, le jeu est plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé, c'est assez dynamique, c'est assez vivant, les dialogues sont bien. J'ai eu du mal à accrocher au début, mais après, une fois que t'es lancé dans l'histoire, ça va. Mais attends, je viens de penser à un truc. Oui, dis-moi. Kélan, t'as demandé comment tu choisissais tes jeux. Oui, comment j'ai choisi mes jeux. Ouais. Tout à l'heure, on vous demandera comment vous choisissez vos films. Ah, c'est toujours en fonction de ce qu'on aime. Ah oui, surtout. Ouais. C'est pas l'école qui vous l'impose. Bah, nous aussi, c'est. Ah, c'est beaucoup l'école qui les impose aussi. Vous avez aussi une liste de 200 films. Pour la radio, c'est vraiment. Ouais, à peu près. Peut-être même un peu plus. Je m'en rappelle. Mais ok, d'accord, pas de soucis. D'accord. On vous répondra avec plaisir tout à l'heure. Ma foi. Bon, on va écouter une musique alors. Oui. On va écouter Alexander Stewart, Medicine. C'est une cover de Kelly Carson. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Bon, non plus. Petit à petit, on va. Ouais. Oui, j'ai juste cherché tout à l'heure. On va s'appeler. J'ai bien fait mon devoir, Théo, si tu m'entends. Je sais qui est Kelly Carson. C'est qui alors? C'est une chanteuse. C'est une chanteuse. C'est aussi simple que ça. Elle a quel âge? Pas celle-là. Celle-là, je ne sais pas. Par contre, tout à l'heure, je vous parlais d'une artiste. Je sais quel âge elle a. J'étais renseigné, j'étais voir son Facebook. J'ai demandé son numéro. Non, oh bon non, oh non. Oh non, surtout pas Anafri. Même si on l'aime bien quand même, non, on la charrie beaucoup. Chaque jeudi, jusqu'à 23h, PK Avengers sur Indestar. Tiens, voilà du boulin. Ah, j'étais pas prêt. Je me suis dit que c'était encore mieux que discuter. On met une petite là. Mais c'est pas du boudin qu'on va écouter. C'est Antoine qu'on va écouter. C'est Antoine qu'on va écouter. Tu vas nous parler d'un film, je crois qu'il est assez célèbre, si je me trompe pas, je l'ai jamais vu. Mais... Pas qu'un peu. C'est vrai? Ah non, c'est vraiment un grand film. Alors, comme d'habitude, tu présentes... Enfin, pas comme d'habitude, tu présentes un film, mais là, comme d'habitude, tu as fait attention à Galen et Marguerite. Non, mais t'inquiète. Hein. Mais si, faut le tacler. Non, on va être sympa. Non, faut lui mettre... Brossé dans la lucarne. Balayette. C'est ça. Oh, je l'ai pas mis le tacle. Ah, c'est dommage. Oui. On t'écoute pour nous présenter Scarface. Ouais. Au fait, c'est lequel? C'est. Bon, il y en a plusieurs, pardon. C'est celui de 32, j'imagine que c'est celui de 83 que tu 83, ouais. Oui. Attends, tu es en train de me dire qu'il y a un Scarface des années 32? Oui. De 1930, ouais. Ouh, il y avait des films à cette époque. Bah ouais. Il y avait même de très bons films à l'époque de Yann. Tu peux demander à Théo. Hein, et... Bah oui, justement. Oh. Théo, pardon. C'est l'époque de Théo, les années 30. Ouais. Sûr qu'il steak. Oui, voilà. un bon steak là, ça fait toujours du bien. On t'écoute, Antoine. Oui, donc la durée dure 2h20 quand même. Ça va. Ouais. Oh. Galen approuve. Je l'ai trouvé un peu long. 2h20, maintenant la moyenne c'est 2h, 2h10. Ouais. Ah ouais, mais celui-là je l'ai trouvé particulièrement long. C'est vrai que la peut-être première fois que vous avez pas aimé. La première fois que tu le regardes, tu le trouves un peu long. Mais non, moi même plus. Pas été fan. Ah bah c'est j'ai bien aimé. Toi t'as bien aimé? Ouais. Faut aimer De Palma aussi. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, qu'est-ce qui t'a plu? Oh bah c'est tout. C'est surtout le personnage de Tony. Tony Montana, ça me parle ça. Dis-toi que mon adresse mail commence par Montana Scarface quand même. Hein. Ah oui, ton adresse mail, celle que tu utilises en pro. Officiel. Ouais, bah, j'utilise jamais en pro. Sur... Oui, bah, j'espère. Comme donc vous avez une adresse mail, non, j'en ai j'avais pas, reçu un CV de Tony Montana. Mais il est pas mort, Tony Montana. Il a vraiment existé, c'était même ouais, ouais, ouais. Pas, c'était pas Montana, mais oui. D'accord. J'ai jamais un poster. Ah. Scarface. Hein. Mmh. Ouais. Ah, est-ce que tu l'avais dans un dollar? Ouais. Ouais. Tu l'as toujours, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Il est beau, ce poster. On l'avait, on l'avait dans ma chambre, même. Ouais. Je sais plus c'est qui me l'avait acheté, sûr. Je crois que c'est moi. C'est moi qui l'ai acheté, sûr. Parle-nous du film, toi. Pour ton anniversaire, je crois. C'est, que ça pas... c'est sympa, ça, de se rappeler. Ça t'a pas marqué, visiblement. Ouais, c'est clair. Hein. Si, si. Parce que moi, on m'a donné... J'étais, on m'a tellement offert le poster. Oh, bah, ça y est, bah, tout de suite. Tellement aimé. Ouais, c'est clair. Mon égo surdimensionné. Vas-y, parle-nous du film. Oui. Donc, c'est avec Al Pacino. Al Pacino. Oui, ça se ouais. Al Pacino. Pacino, ouais. Sympa. Italien, c'est ça. La mafia italienne. Il interprète Tony Montana. Spaghetti. Ah, d'accord. Mm. Et Steven Bauer qui interprète Manny. C'est son ami. C'est son meilleur ami, quoi. D'accord. Okay. Ils sont pas mafieux? Je sais pas si on peut dire mafieux. Je sais pas. Je dirais plus dealer, moi. Dealer. Al Pacino, c'est ouais, un nom si, de mafieux italien. Il y a un côté mafieux. Ouais, il y a un côté mafieux, mais j'ai plus. Ouais, si. Il... Ah, certes, il traficote avec la mafia. Il y a un peu plus que dealer quand même. S'il ouais. Est dealer, dealer plus, il est consommateur aussi. Il a la carte gold. En gros, c'est lui qui a le réseau, quoi. D'accord. C'est un bon dealer, quoi. Il fait quoi dans la vie? 21h33, dealer. Donc là, ça commence dans les années 80. Mmh. Ouais. Donc, c'est pendant. Ça se passe aux États-Unis. Si t'allais me dire la Seconde Guerre mondiale, je t'aurais pas cru. Mais... Non, pendant la guerre froide. Quoi? Non, je déconne. C'est avant ça. Oui, c'est encore avant. Tu lui as mis tout le monde. Je sais que je suis pas très bon et ça, mais c'était avant. Ça se passe aux États-Unis, tu disais. Oui, pendant la période de Jimmy Carter. Après, c'était lui qui était. Soit. Et ils offrent l'asile aux émigrés opposants communistes. Ah, mais c'est bien ça! Ah non! Bah attends, c'est des fascistes! Faut les foutre dehors! Attends, ouais, les opposants communistes, c'est des fascistes! Oui! Non? Si, bah si, je crois! Ah ouais! Je sais pas, je m'y connais pas trop en communiste. Non, je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Ah, mais... c'est ça, quand on fait gauche-droite, grosso modo, tu sais, t'as fasciste et communiste. Logiquement, t'as capitaliste et communiste. Ah bon? Fasciste. Ah merde, je croyais que c'était l'extrême droite. Ah, du coup, c'est ouais, extrême droite, ils peuvent être fascistes. Ouais, ouais. On part pour loin. Vas-y, Antoine. donc Fidel Castro, il expulse de Cuba toutes ces personnes-là, quoi. Fidel Castro, ça vient de ce film-là ou c'est un nom qui vient d'autre chose? Non. Ça vient de... ça d'accord. Fidel Castro. Parce que, bon, pour une petite anecdote, si vous voulez, j'avais une ex que j'appelais Fidel Castro. je sais, c'est la classe incarnée, mais d'une force. Mais je savais pas de quel film ça venait. Moi, je connais pas Scarface, mais j'avais déjà entendu Fidel Castro. Bah, c'est même pas du film, c'est quelqu'un qui existait, quoi. Oui. De base. Ah bah voilà, ça vient d'autre chose alors. D'accord. C'est une culture de base, je sais pas. C'est pas un mec de Cuba ou bah, c'est le Che Guevara, non? Quoi? Non, Fidel, rien à voir. Che Guevara? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais plus, allez, Antoine. Non, je pense qu'on continue. Je n'en ai pas en lire. Le synopsis. Donc, parmi eux, il y a Tony Montana et puis son ami Manny. Mm-hmm. Qui sont immigrés, oui. Ouais, qui profitent de ça pour construire leur vie à Miami. D'accord. Sauf que bah, quand ils arrivent sur la terre américaine. Enfin, sur le sol américain, on va dire. Ouais. Ils sont. Ici, ils sont directement. Pas arrêtés, on les envoie directement dans un camp de réfugiés, on va dire. Ouais. Bon, là, on va les interroger. Ouais, ouais, d'abord, on les interroge. Mmh. Nous, ça serait la forêt, je sais plus comment. Pendant l'interrogatoire, franchement, j'ai rigolé dans le film. Ah bon? Ah oui, franchement, il y a une façon de parler dans le film. D'accord. Tu tapes des barres. Soit. Et après, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils arrivent à avoir une carte verte. Mais avant, pour l'avoir, il faut qu'il tue quelqu'un qui est opposant communiste. Ouais, dans quoi ce délire? Faut qu'il tue quelqu'un juste pour pouvoir rester sur le territoire américain? Ouais, pour être relâché du camp de réfugiés, pour avoir la carte verte, pour rester... Et ça, c'est la loi américaine? Non, mais c'est qu'ils ont essayé d'avoir un accord comme ça. Ah ouais, c'est d'accord. Vrai, ouais. Ah ouais, parce que... connais les Américains, mais quand même. Donc, ils tuent la personne. Ouais. Donc, ils sont libérés. Ouais, sans la fameuse carte. Voilà. Du coup, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà, pas trop. Ouais. Et là, avec leur carte, ils ont réussi à avoir un petit job d'abord dans une baraque à frites à Miami. Sans déconner. Il dealait dans la baraque à frites, ça? Non, non, non pas encore. Pas encore. Je tire l'eau dans la poudre de raflésia. Non, des frites. D'accord. Ok, bah, d'un peu de moment, Tony Montana, elle en a marre de faire des frites. Ouais, ouais, ça se comprend. Ouais, j'ai les mains. J'ai les mains dans la merde, elles sont faites pour l'or, quoi. Ils disent ça clairement dans le film. La main dans la merde. Ouais, j'ai les mains dans la merde, ouais. Elles sont faites pour l'or. Ouais, elles sont faites pour l'or. C'est une des répliques. Ouais. Il travaille dans sa baraque à faire. Ah, ouais, c'est vraiment anticommuniste. Ouais. Ah, ouais, lui, il est. D'accord. Il veut se faire de l'argent, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Et là, bah, pour commencer, toi, il y a un dealer qui leur propose de. 500 dollars pour décharger un bateau d'héroïne. Lui, il refuse. Il veut plus d'argent, plus de responsabilité. Donc il fait, bah écoute, je te donne 5000 dollars. J'ai un paquet à récupérer, un paquet de cocaïne à récupérer. Ah, il avait mieux à lui proposer. Ouais, direct, il pose ses couilles sur la table. Voilà. Il, ouais, il fait, moi, je veux mieux. Ouais. Ok, soit. Donc, ouais, il se prend pas pour n'importe qui. Hein. Ah, ouais, pour le coup. Il se prend pas pour de la merde. Le petit mec qui fait la baraque à frites, là. Il passe de la baraque à frites à livrer un truc de 5000 euros. Ouais, c'est clair. Et du coup, il le réalise correctement, au moins. Tout se passe bien. Pas tout à fait, ça se passe pas bien. Ah. Ils vont sur le lieu de rendez-vous, sauf qu'ils se font doubler. Ah. Et il y a un de ses potes, il se fait tronçonner carrément. Oh, dur. Dans la baignoire. Ah oui, cette scène, elle est mythique. Hein. Ouais. J'étais en train de chercher un bruit pour ça, mais j'ai pas. Non. Et lui, il s'en sort, bah, lui, il se prend une balle dans le bras, je crois, si je m'en souviens. Oh, ça fait pas mal, ça. Dans les films, ça fait pas mal. C'est juste une balle. Je me rappelle si on a de... Donc, bah, ils vont voir lui qui l'a engagé, donc c'est Frank Lopez. Ah, un Lopez. Putain, encore. Mon Dieu. Toujours les Lopez. On en parlait hors antenne des fameux Lopez gitans qui se clashent sur des vidéos. Très sympathique. On continue. Mais je l'ai pas fait exprès hein, pour la. Pour c'est la... Ouais. Joli, sympa joli. De prendre la pure avec eux. Oh, ouais. Calotte de ses morts. Tu mets mort à la fin de chaque truc, ça marche. Non. Trompette de la mort, c'est un champignon. Non, piège. It's a trap. It's a trap. Oui, donc il va voir Frank Lopez. Frank Lopez il dit bah écoute, j'ai besoin d'hommes. Il va devenir un enfin, c'est pas vraiment un bras droit, je crois qu'il va devenir. C'est... Ouais, mais. Il va avoir une bonne situation. Il le tabasse pas, Frank Lopez. Si, un petit peu. Non, même pas. Non, bah non, si, c'est lui qui l'a. Ouais, je suis l'engage. D'accord, mais ils se sont fait niquer quand même un peu, non. Parce qu'ils ont réussi à tuer le gars qui a essayé de les doubler. Ah. Donc il a réussi à récupérer l'argent et il y a le paquet de cocaïne en même temps. Ah oui. Donc ils ont bien fait leur boulot. Ouais. Ah ouais, c'est bien ça. Et bah, et toi, il devient un peu leur bras droit, on va dire. Entre guillemets, parce qu'il est quand même bien. Ouais, il est monté en grade là. Voilà. D'accord. Et bah, toi, pendant quelques temps, tu vas faire ça, livraison. Parce que le jour qu'il va en avoir marre, il va tuer Frank Lopez. Ouais, c'est vraiment un mafieux quoi. Il prend la place du mec. Est-ce que tu as les détails, genre, il le tue comment? Il le tronçonne aussi pour se venger ou... Non, c'est deux balles. Deux balles. Ah ouais, direct. Le mec, il perd pas son temps. Je crois que c'est un peu lui qui le tue. Je crois que c'est son ami Manny qui le tue. D'accord. Manny, ça devient son homme de main, grosso modo, et lui, il devient le dirigeant de la pègre. Sans compter que Tony Montana, il est amoureux de la femme de... Lopez Ouais, de Lopez. Du coup, il pique au passage. Bah oui, il prend exactement la même place. Genre, il avait une baraque, Lopez, il prend la baraque. Il prend la femme qui est avec, il prend la femme de ménage, voilà, il prend la piscine, il prend le la chien, poudre. Il prend tout. Il prend la poudre. Ouais, il prend la poudre. Mais pas la poudre des scampettes. Évidemment. Ah, oh, je l'adore. J'aurais pensé aussi. Antoine ? Oui. Ça, c'est juste... Pourquoi ? Tu fais un mini blanc. Aurais-tu un trou ? Ouais, c'est quelque chose. Ah, t'as pas qu'un, mais. Oui, donc il pique sa femme en même temps. Ouais. Et après, il va monter son propre réseau. Oui. Franchement, plus ça, plus il monte en grade. Il achète sa maison. Plus il se drogue aussi. Ouais, aussi. Swap. Oh, ouais. Ça va souvent ensemble. Il devient complètement parano après le mec. Ouais. Ah. Ouais, il a l'impression qu'on veut lui piquer sa place. Je te parie qu'il va tuer son pote. Ah, peut-être. Tu sais. Déduction logique. Parce qu'il couche avec sa sœur. Évidemment. What? Attends, ça, je vais en venir. Non, mais attends, Ah, pardon. Je savais même pas qu'il y avait une sœur. Je viens de la pousser. Si, en fait, côté relationnel, ça se passe mal, puisque en fait, tellement il va dans les mauvais contacts que sa mère va le renier. Quoi. Voilà. Mais sa sœur, par contre, sa sœur va l'adorer. D'accord. La michto. Le problème, c'est qu'on l'a pas au coulant. C'est sa sœur quand même. Oui, mais c'est une michto quand même. Elle va l'adorer, il a du pognon. Bah non, mais elle l'adore déjà. Oui, elle l'adorait déjà. Oui. Ça change rien en fait. Ouais, même quand c'est... il travaillait dans la baraque à frites. Ouais. Oui. Bon, bah. Elle aimait les frites. Les grosses frites. J'ai pas dit de blague. Voilà. Encore, j'ai pas dit de blague. J'ai pas dit de blague. Elle aimait les frites, maintenant elle aime les diamants. Steak. Steak. Frites. On l'a pas celle-là. Pardon. Donc, il... Donc Manny va coucher avec la sœur de... Ah, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Ok. Oh, dommage. Il y a les préliminaires. Donc bah, au bout d'un mois, tellement qu'il est bien connu, bah, il se retrouve, je crois, à... je sais plus si c'est Cuba. Pour fêter le Castro. Non, il va là-bas pour une mission qu'il a tué un journaliste, je sais plus pourquoi. Ah, il part trop sur sa gueule ou non? Ouais, non, peut-être une enquête. Non, je crois qu'il voulait interdire quelque chose. Je sais plus ce qu'il voulait faire, le journaliste. Mais... il voulait interdire la weed. J'ai le film, je l'ai vu, ça remonte déjà un petit moment que j'ai vu. D'accord, donc il va à Cuba, ouais, puis, voilà. Ouais, donc, et ça se passe mal. Donc toi, bah, il va pour... ils ont posé une bombe sur la voiture. Ouais. Et lui qui doit déclencher la bombe, bah, il est prêt à la faire exploiter, sauf que ça part sauf fait il y a deux enfants et la femme du journaliste dans la voiture. Ah, du coup, il veut pas la faire exploser. Voilà. Ah, Tony Montana, il fait non, c'est mort. Il a deux doigts d'appui sur le. Ah oui, il voulait pas faire de bavure. Bah lui voulait. Alberto. Ouais, ouais, mais en gros, ouais, il voulait juste tuer le journaliste et pas sa famille. Et lui, c'est. Ah ouais, il a quand même un peu de bon fond. Voilà. Ouais. Et quand Alberto a deux doigts d'appuyer sur le bouton pour faire exploser la voiture. Mmh. Tony Montana s'arrête, il est tiré une balle dans la tête. Oh, normal. C'est un connard. D'accord, soit. Et du coup, ça se passe mal, du coup, vu qu'il a laissé le journaliste en vie. Ouais, ça commence à partir en couille, total. Ah. D'accord. Ah, il y a Manny qui couche avec sa sœur. Ça, je vais en revenir. Ça. Non, toujours pas. Avec la sœur de Tony Montana. Oui. Pas avec sa sœur à lui. Ah oui, ouais, pardon. Parce que sinon, oui, c'est que je me mettais à la place de Tony Montana. Ouais. Pour le coup. Enfin, ça. Bon, ouais, compris. Il se retrouve encore aux États-Unis. Bah, toi, il retourne aux États-Unis. Ouais. On sait pas loin. Bah pour toi ça commence à. Tu sais, on s'en appelle du gars qui l'a envoyé faire la mission. Mm-hmm. Il fait bah écoute, tu m'as entubé, je vais te buter. Soit. Ah sympa, sympa le petit. C'est ça. Et à ce moment-là, bah toi, à ce moment-là, il va au restaurant avec sa soeur, puis. Ah, on avec en sa zouze. Sa soeur et son ami. Ouais. Sauf que bah dans ce restaurant, bah t'as Tony Montana est tellement drogué et tout qu'il s'en prend à sa copine. Ah. Ils sont quatre, du coup. Il s'en prend à elle plus ou moins tout le temps, en fait, mais... Ils sont quatre, du coup. Dans détail. Non, c'est pas avec sa soeur. Excuse-moi, c'est pas avec sa soeur qui se retrouve. Avec sa femme. C'est avec la femme de Tony Montana et lui. Donc ils sont que trois. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ouais. On aurait pu faire un ménage à quatre. Un dîner à quatre, pardon. C'est un peu pareil. Oui. C'est pas faux. T'as Mali, toi, il voit que ça s'embrouille beaucoup. Ouais. Dans un restaurant bien connu, ce qui est vrai. Soit. Et il fait, bah écoute, je la ramène. Et je reviens te voir après. Sauf que. Et voilà, buté. Pardon. Sauf que là, bah, Manny, bah, il se retrouve. C'était ramène sa copine de Tony Montana. Ouais. Après, il va rejoindre la soeur de Tony Montana. Ah le bâtard. Donc, Tony, à ce moment-là, il rentre chez lui. Il voit sa soeur. Il voit sa soeur en train. Bah, il va voir son copain. Il fait, bah, écoute, on a un problème. J'ai le bruit de le fauteuil, normalement. Non, ça le fait pas. À ce moment-là, il dit, bah, écoute, on a un problème avec les mecs qui m'ont employé. Il a un problème d'autre chose, mais. Ouais. D'accord. Sauf qu'à ce moment-là, t'as la sœur de Tony Montana qui sort en peignoir. Excellent. Et là, je me souviens, il pète un câble. Et du coup, il est pas content. Câble, là, il pète un câble, ouais. Il prend son gun, 3 balles dans son pote. Bon, ça se fait pas, il pourrait partager. Non, et il tue d'accord, sa soeur, il tue Manny. Il tue sa sœur, je crois, non. Non, je sais plus. Non, il aime bien sa sœur, du coup. Ouais. Donc sa sœur, il l'emmène avec lui, bah il l'emmène chez lui. Ouais. Ou c'est l'inverse, tu... Non, il l'emmène non, chez lui. Et il tue pas sa femme. Pourquoi il tuerait sa femme? Je sais pas, j'ai fait une bonne supposition, pourquoi pas une deuxième? Non mais du coup il rentre chez lui, ouais. Et du coup il fait attention à ce qu'il fait maintenant. Parce que... sauf que à partir maintenant... Non, parce qu'en fait à partir maintenant t'as les hommes qui sont employés par le mec qui a fait la mission. Des hommes de main qui sont en train de venir pour le tuer. Voilà. D'accord, donc là faut qu'il fuit du coup. Qu'il se fait envahir. Ouais. Sauf que ce blaireau il s'est mis la tête dans la cocaïne. Donc carrément il y a toute la cocaïne devant lui, donc il fait... dedans. Comme la farine. Genre il... Ouais, d'accord. Ouais, je sais pas si t'as vu. Il s'évanouit dans la cocaïne ou... Non, même pas. Il est encore conscient. Il est encore conscient, je crois qu'il fait ça. Non, il est plus... En fait, il est plus ou moins conscient il pète un câble, clairement. Il va sortir le shotgun et tout. Enfin bon, ça, c'est un vrai massacre. Donc, ouais, donc toi, il va voir qu'il y en a qui commencent à l'envahir. Ouais. Donc il prend sa M4. Oh putain. Soit. Lance-patate. Un lance-patate. Donc toi, tu vas commencer à avoir des hommes qui... C'est parce qu'il travaille dans les frites. T'as sa soeur, toi, elle ouvre une porte. Steak ? Oui, mais non. Sa soeur, elle ouvre une porte et elle se fait tuer par les gars qui... Allez, ça c'est fait. Qui se font rire. Donc sa femme va mourir. Voilà. J'en suis sûr qu'elle va mourir. Je crois pas que sa femme va mourir. Mais d'accord. Sa soeur se fait tuer par les hommes de main qui veulent tuer... Attends, je sais pas, je pose la question. Sa soeur meurt et lui, est-ce qu'il arrive à s'en sortir à ce moment-là ? D'après toi. Bah non, il se fait envahir. Non. Mais du coup, ils sont au moins une trentaine à l'extérieur en train de l'attendre. Et alors, il y a des films où que 30 ça arrête pas, hein. Pas faux. Les films. Bah, l'américaine donc, d'ailleurs. Ouais, il a un peu buté pas mal quand même, franchement. Ou alors à l'indienne. Il se prend des balles. Ouais. Bah, fauf, avec même pas mal. Bah, avec le cocaïne, bah tu sens rien quoi. Ouais, mais bon, tu. Enfin, ouais. Ça, je sais pas sûr. Et en fait, ça reste à prouver. Il se tue par un mec qui arrive dans le dos qui fait un coup de canon aussi dans le dos. C'est comme ça qu'il meurt. Mais t'as oublié de dire la réplique culte du film quand il sort son fusil. Oui, c'est. C'est Hello to my little friend. C'est la réplique culte du film qui a été repris dans pas mal de. My little friend. C'est dit bonjour à mon petit copain. C'est en fait, il sort et fait c'est Hello to my little friend et il commence à tirer. Il va pas dire aussi, elle va cracher ma grosse. Je sais plus, non, je pense pas. Mais tu vois, ça c'est bizarre par contre. Non, mais je crois qu'au bout d'un moment, il va à la fin, il dit elle va cracher ma grosse praline, un truc comme ça. What? Faut que je le regarde. Oui, non, il a des répliques un peu. Je vais regarder. Ça, c'est les traductions françaises. Ouais. Et puis après, à la fin, il tombe. Genre, t'as de l'eau, t'as une espèce de fontaine et t'as ce plan mythique où il est comme ça en étoile dans la flotte avec tous les. Dans son sang avec tous les. Enfin, les troupes autour, quoi. D'accord. Ok. Et fin. Enfin, voilà. Et fin. C'était l'histoire de Tony Montana. Voilà. Oui. C'est typiquement le film d'un personnage qui. En gros, ça fait le rise and fall. Mm. Ouais, c'est ça. C'est un personnage qui monte dans l'échelle et qui redescend d'un coup. Ouais. Voilà. Ah bah, il a descendu 6 pieds sous terre. Ah bah là, oui. Il mange les pissenlits oui, par la racine, comme on dit. C'est ça. Il y a une phrase qui se dit beaucoup dans le film, comme ça en américain. Et, et cette phrase, ça passe souvent, c'est The World is Yours. Le monde est à moi. Ouais, tout le monde est à toi, un truc comme ça. Ça a été repris, ça. Dans la haine. Dans la haine, oui. Ouais, je cherchais, ouais, oui, c'est ça. Bien. Ouais. Dans la haine, il y a écrit « Le monde est à vous » et il part le V ça. Et il met un N. Oui. D'accord. Incroyable ce film-là aussi. Un petit tags. Un petit easter eggs ou un truc du genre. C'est cool. Ok. Et donc toi, ça te plaît les films de mafieux comme ça, Oui. C'est ton délire. Ah ouais. Ah bah oui. D'accord. Si tu mettrais une note, tu mettrais combien? Sur 10? Non, sur 20, je préfère sur 20. Bah, sur 20, si tu veux. Ça fait 20. Plus scolaire. Ouais, franchement, 20 sur 20. Oui, franchement. Puis j'aime bien c'est pas des notes vous que vous mettez, mais. Si, moi parfois j'ai sur sens critique, je les note. Ouais. Là, j'aime pas trop les notes, moi je suis un peu. Bah, mais comme vous êtes à S4, vous avez peut-être un truc différent à faire. Non, là c'est pour te dire, ça fait longtemps que j'ai pas vu avec tout ce que j'ai assimilé. Si je le revois, je pourrais te dire, il y a ça qui est bien, ça qui est. Voilà. Ouais, pareil, mais je sais que moi en fait. J'en ai un bon souvenir, en tout cas. Ah, pas moi pourtant. Moi, pas du tout. Ah ouais, mais il y a plusieurs films, genre Casino par exemple. De Scorsese de... Ouais, non, c'est pas de Scorsese, Casino. Casino, si. C'est pas Casino, alors. Casino Royale. Non, c'est pas Casino, alors que j'ai en tête. Mais j'ai vu plusieurs films de Palma, et à chaque fois, je me sens tellement en colère et tellement frustrée à la fin de ces films, je sais pas pourquoi, mais c'est... Ah, ce ça film... Ça lui fout la haine. Ah, mais vraiment, mais le film, la Scarface, déjà, je sais pas pourquoi, mais je l'ai trouvé super lent. Et Si t'as et pas vraiment, trop aimé, effectivement, suis... c'est... Ah ouais, non, ça m'a... D'accord. Ah, ça m'a mise en colère en fait. Mais il y a plein de choses. Enfin, c'est je sais pas. D'accord. Puis enfin, ce truc de femme objet là, ça me. Ah ouais, ça. Ça a tendance. Ah ouais, ça. A tendance. Ça à l'époque, mais bon, ça date de 83 aussi. Ouais, donc voilà, c'est normal. Mais il y a beaucoup. Ouais, ça qui a beaucoup. C'est normal. T'as des. Non, mais c'était l'époque. Mais t'as des citations genre. Qu'est-ce qu'il dit? Bah justement, quand il voit que son homme de main est avec sa sœur, genre il dit un truc en mode. Ouais, de toute façon, elle ne t'était pas réservée. Ah oui, ouais. Tu vois, c'est que des trucs comme ça, donc ça a le don de Enfin... Tu l'as mérité pas, un truc comme ça. Ah, c'est ce que j'ai non, dit à ma sœur. C'était même pas ça, c'était un truc en mode, c'était. Il me semble que c'est objet. Un truc en mode. Ouais, c'est ça, c'est. Elle n'était pas pour toi, je crois que c'est ça. Elle n'était pas pour toi, ou un truc du genre, mais ça m'a. Ah. Elle n'était pas faite pour toi, ou un truc du genre, grand classique. Non, c'est même pas en mode, non, elle est trop bien pour toi, machin. Elle n'était pas pour toi. C'est pas ton objet, c'est le mien. Voilà. Bah, d'accord. En vrai, dans Scarface, on se demande s'il est pas un peu amoureux de sa sœur. En fait, ouais. C'est un peu ambigu. Ah ouais, ouais. Genre, t'as la scène de fin où, c'est où elle meurt. Incestueuse. C'est ça. Trop fusionnel. J'avais que Peck Avenger, ça comme ça. Hashtag Lannister. Genre, dans la scène de fin où elle meurt, justement, en fait, elle se commence presque à se déshabiller. Elle lui fait une espèce de striptease en mode ouais, je sais que t'es amoureux de moi et tout. Enfin. Bon, il ah oui, lui dit pas, dit, mais. Tu sais que tu veux me baiser, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et c'est tu ouais, vois, mais pas dans ce sens-là. Genre, enfin, je sais plus tu veux mon dit, fric. Mais, quoi. Oh. T'es sûr? C'est pour ça que t'as aimé ce film, en fait, Antoine. Il y a des bonnets. Hein? Non, rien. Non, c'est qu'il voue un amour pour ses soeurs. Un amour fou. Un big up à Amélie Anaïs d'Actu Solite le lundi. Vous allez voir lundi. On leur dira, hein, fais gaffe. Hein. Ouais. Ça sera répété, amplifié et déformé aussi. Mais tu sais qu'Alice nous écoute normalement. Bah, ah bon ce soir là. Ouais, bah écoute, à fond, ils ont écouté. Ah, bah on leur fait un petit coucou. Ouais. Tiens, un coucou. Petit big up à Anina, avec qui j'étais en primaire. C'est quand même très drôle. Ah bah si elle nous écoute, effectivement. Bah tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs, on leur fait des big up pour le coup. Mais tu sais que Nina est sa cousine. Ouais, Nina est ma cousine. Et j'étais avec elle en primaire. D'accord. J'ai appris ça il y a pas longtemps, je trouve ça trop drôle. Ah ouais, c'est cool. Belle coïncidence. Ah bah oui, je te confirme. Et tu crois qu'elle écoutait beaucoup de musique? C'est une bonne question. Est-ce qu'elle écoutait la prochaine musique, par exemple? C'est ça, c'était qu'est-ce ma transition. Wow. C'était ma transition. C'est Boyz Avenue qui a repris Beautiful People de Ed Sheeran. Ouh. Oh, Ed Sheeran, oh, je sais pas, moi j'aime bien. Il fait des petits trucs bien. Assez sympas. Moi j'aime bien, bah, par exemple, quand il chante pas. Oh. Bah, là, c'est pas lui du coup. C'est quelqu'un qui l'a repris. Donc on va bien voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. La pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Y'a pas écrit Soldat Ryan là? Ah, je voulais en mettre une. J'ai pas trouvé laquelle mettre, donc du coup j'ai mis celle-là. Ah, ça me donne trop envie de revoir le film. Quel film? Ryan? Ah, il faut sauver le Soldat Ryan? Le Soldat Ryan? Je l'ai jamais vu. Il est très cool. En plus, il y a beaucoup trop de mèmes sur lui. Il y a un acteur que je kiffe, c'est qui joue dedans, Tom Hanks. Ah ouais, il est super dedans. Il est très très cool. Il est ouf. Il y a un autre film où il joue aussi. Avec Ryan In the Kitchen, peut-être. Non, avec Tom Hanks, où là, pour le coup, c'est des Monument Men. Ah, très cool, ce film aussi. C'est pas où, là, il pilote un avion, non? Bah, de quoi? Monument Men. Ouais, il me semble qu'il joue. Oula, Galen et... Alors, non, je suis pas sûr, parce que ça, c'est là où ils prennent des tableaux pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah, non, non, non, il joue, non, il est pas dedans. Non, il joue pas dedans. Il y a Jean Dujardin qui joue. Il y a George Clooney et John Goodman. Ouais. Il joue dans beaucoup de films américains, George Clooney. Non, pas George Clooney. Jean Dujardin. Jean Dujardin, ouais. Ouais, je trouve, ouais. Ah bah non, il est dans les films américains. Il est bien vu par les Américains. Par contre, il y a Matt Damon. Ouais, ouais, bah oui. Comme je t'ai montré tout à l'heure, la bande annonce du Loup de Wall Street. Bah, il joue aussi. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Il est comme Omar Sy aussi. Il a joué dans. Bah, Omar Sy, là, il va jouer dans un film avec Harrison Ford. Ah ouais, pas mal. Bah, c'est comme là, le manga que je vais vous présenter, les Japonais sont fans d'Alain Delon. Ah ouais? Ouais. Et du coup, le créateur du manga qui s'appelle Belzébub, c'est ce que je vais vous présenter là tout de suite, il est fan d'Alain Delon et il a appelé un de ses personnages Alain Delon. Bon, par contre, c'est un personnage avec une moustache, genre la quarantaine, qui se balade en short rose, un petit Marcel, un peu pédale sur les bords. Trop drôle, mais bon. C'était un big up à Alain Delon parce qu'ils sont fanatiques d'Alain Delon là-bas. D'accord. Je comprends pas pourquoi. Bah, je sais pas non plus, mais est-ce qu'on peut comprendre quelque chose? Si, c'est un bon acteur. Ah bah ouais, en tant que personne, moi je ne l'apprécie pas trop. Ouais, non. Je sais pas si c'est en tant qu'acteur ou en tant que personne, pour le coup. Là, je peux pas te dire. Je sais juste qu'il y a une. Peut-être le physique, hein, parce qu'il est plutôt beau gosse. Moi, je sais pas. Les photos que j'ai vues, il était vieux. Ouais, non, mais tu l'as pas vu jeune. Oui, c'est vrai, c'est possible. D'accord. Dans tous les cas, je vais vous parler du manga. Ouais. Ça s'appelle Belzébub. Est-ce que vous connaissez? Non. Moi, je connais Bulbizarre, mais Belzébub... c'est pas la même chose. Non. C'est presque la même chose. Alors, Belzébub, en fait, c'est un manga qui est sorti en animé en 2012. Il y a 60 épisodes qui durent à peu près une trentaine de minutes. Il a été créé par Yurei Tamura. Il avait 29 ans, d'ailleurs, quand il l'a créé. Donc ça va, il est plutôt jeune, en vrai. Pas... Bon, il commence à être vieux, hein. Petit clin d'œil à Théo, qui est déjà vieux. Ah oui, comme tu l'as dit, il connaît les films des années 30. Donc, c'est ça. Il y a une petite particularité aussi. Bon, tu vas me dire, dans beaucoup de mangas, c'est ça. La voix d'un des personnages principaux, du bébé d'ailleurs, principal. Parce que oui, l'un des héros, c'est un bébé. C'est assez cool. Donc il s'appelle Baby Bell. Bon, il porte un nom bien plus compliqué, mais en abrégé ça donne Baby Bell. Ils sont pas trop foulés, hein. Bah, non, oui, trop, bah, c'est normal, c'est le héros principal qui s'appelle Tatsumi Oga. Il se retrouve à élever un bébé. Du coup, au lieu de l'appeler Belzébub, je sais, nanana, voilà, Baby Bell, c'est bien. C'est bien. C'est comme moi, mon bébé, il s'appelle Owen. Je l'appelle souvent, ouais, bébé. Ça va bien dans ta vie. Non. Ouais. Donc, la voix de Baby Bell, elle a été faite par une japonaise qui s'appelle Miyuki Sawashiro. C'est une chanteuse. Elle a aussi fait la voix de Kami de Street Fighter 4. Ah. Bon, faut connaître. Je connais pas. J'ai pas joué à beaucoup de Street Fighter. Enfin, si, j'y ai joué, mais je suis pas intéressé au derrière du jeu. Apparemment, elle est célèbre. Donc je le mets, voilà. Personne n'est intéressé au derrière, j'ai envie de te dire. De quoi? Non, là, j'ai dit que... J'ai failli en faire une aussi. C'était pas intéressant. Est-ce qu'il vous faut le pad? Non, ça va. Continue. Alors, pour l'histoire, Tatsumi Oga, un délinquant, une petite frappe de lycée. Donc, il est étudiant dans un lycée qui s'appelle Ishiyama. Mmh. Il y a que des racailles là-bas. Hein. Les professeurs, ça n'existe pas. Enfin, ouais. Je crois que j'avais pas vu un seul. J'en ai vu. Un lycée sans prof, quoi. Ouais, c'est bof. C'est dans le manga, c'est juste que c'est pas autour de ça que ça tourne en fait. Ah, okay. C'est juste que il y a plein de bastons tout le temps. C'est aussi simple que ça. Ça me fait penser à un film japonais comme ça. C'est pas Cross Zero. Dans les films japonais, tu sais, ils prennent beaucoup les étudiants. Hein. Ils sont fans de. Ah, mais c'est pas genre toi, ça se passe dans un lycée. Ouais. Et pour être le boss du lycée, ils se battent entre eux en fait. Ouais. C'est que de ça, genre le dialogue. C'est à peu près ça. C'est que de ça. Bastons. C'est à peu près ça, mais. Ça s'appelle Cross Zero. Là, ça a rien à voir. Parce que là, il y a un bébé aussi. Dans cette histoire. Ouais, le bébé, il va pas se battre. Quoi. Mais bon, j'instaure l'histoire dans l'ordre parce que sinon on va plus s'en sortir. Tatsumi Oga, donc c'est une petite racaille qui est assez puissante. Hein. Il a pas mal de force comparé aux autres, voilà. Mais il cherche pas à devenir le plus fort. Il y a 4 gens qui. Les tété, caca, enfin je sais plus. Il y a 4 personnes qui tiennent le pouvoir dans ce lycée, voilà. Donc, tu as une femme et 3 mecs. Toujours un bon ratio. Ouais. Voilà. Mais bon, la fille est super forte par contre. C'est la deuxième plus forte. Attention. J'adore en fait quand elle se bat avec sa règle, ça fait comme une épée. Quand elle se bat, en fait, sa règle, elle coupe des murs avec. Ah ouais, normal. C'est une règle tout en bois. Tout est normal. Ouais, c'est super exagéré. J'ai envie de te dire, c'est japonais. Hein. Voilà, et c'est fun et hilarant aussi. Parce que voilà. Donc, il est surnommé Oga le fou furieux par les autres élèves parce que. Bah, parce qu'il est un peu taré. On passe. Parce que voilà. Voilà. Il est un peu démoniaque, on va dire en soi. Voilà. Et par hasard, en fait, il va tomber sur ce fameux Alain Delon. Qui est lui un démon téléporteur. D'accord. Alors il vient du monde des démons et en fait il cherchait quelqu'un, une personne assez démoniaque, un humain assez démoniaque, pour pouvoir recueillir le fils du roi des démons, qui s'appelle Belzébuth, je sais plus comment, nanani nanana, avec des longs à la rallonge. Voilà. C'est le roi des démons qui a pris cette initiative d'envoyer son fils dans le monde des humains parce qu'il se faisait chier. Et il avait. Ah, c'est vrai, comme projet, j'ai quoi? Ah oui, détruire les humains. Attends, c'en est où ça? C'est pas fait encore. Ah bah attends, on va envoyer le fils. Voilà. Donc il envoie son bébé qui parle même pas. Voilà. Hop, et bah, c'est Oga qui tombe sur Alain Delon. Il flottait sur une rivière en fait. Le gars, il flottait dans la rivière. Et t'as Oga, il se dit putain, je fais quoi? Parce que bon, il hésite à l'aider quand même. Et du coup, il le sauve. Mais Alain Delon, il voit très bien que ouais, il l'a sauvé, mais putain, ça a l'air d'être une bonne racaille. Tu dis déjà Alain Delon, ça a l'air formidable. Je sais, c'est incroyable. Mais le pire, putain, il s'écrit pas vraiment pareil. Ah bah ah, oui, d'accord, je vois. Ouais, ouais, il s'écrit comme ça dans l'animé. Ok. Et comment dire, va voir, mais ça c'est drôle, c'est un moustachu un peu. Rappelle-moi le nom. Bah Alain Delon. Non mais. Ah, Belzébuth, je jure. Et donc. Bah, il se retrouve à élever, à éduquer le fils du roi des démons. Comment dire? Magnifique. Est-ce que t'as une petite photo, non? Wow. Ouais, t'as vu, hein? Il est magnifique. Wow, je sais pas si tu devrais. Je vais aller montrer. Ouais, ouais, ouais. Va nous montrer le super Alain Delon. Donc, je précise sur la photo, je sais pas lequel elle va vous montrer. C'est le monsieur en short rose avec le Marcel Blanc. Voilà, donc là on voit très bien une moustache. C'est magnifique. Waouh, j'adore. Oui. D'ailleurs, on le soupçonne sur la photo, vous avez vu un gars en blanc, c'est le meilleur ami de Oga. On le soupçonne d'avoir une petite relation avec parce qu'il est toujours attiré par lui. Enfin, c'est un truc de ouf. ça tourne en. Je sais plus, en yaoi, je crois. C'est comme ça qu'on dit. Yaoi. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Pour ceux qui connaissent pas le terme yaoi, c'est un manga où il y a deux hommes qui s'aiment bien. D'accord, merci. Okay. Un peu trop même. Bah, tout le temps. Hein. C'est les yaoi, c'est comme ça. Alors, il se retrouve à éduquer le roi des, enfin non, le fils des rois des démons, qui s'appelle Babybel pour le coup, ça jouait déjà dit. Il devra l'éduquer d'une manière assez démoniaque en fait. Genre Babybel, lui, pour l'endormir, c'est pas une berceuse qu'il faut, c'est du heavy metal. Yeah, c'est trop bien. Enfin, voilà, des trucs de ce genre, et ça va donner plein de situations vachement rigolotes. Il y a aussi sa nounou qui va venir du monde des démons, okay. Qui s'appelle Hilda. Qui s'appelle Hildegard, je sais plus pas comment, non, à rallonge. Comme prénom, hein. Pas très démoniaque comme prénom. Ouais, par contre, la meuf, tu la vois. Alors, c'est une loli blonde, gothique, voilà, type japonais. Mm. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est chiant. C'est horrible comment elle est avec les humains. Mais c'est marrant. Ouais. Moi, je l'aime bien, hein, je l'adore son personnage. Elle est obligée de se faire passer. Elle va squatter chez Oga. Okay. Lui, il vivait chez sa famille, chez son père, chez sa mère et tout. Et donc, la première fois qu'elle va arriver chez Oga, en fait, elle va se présenter comme sa copine avec un bébé. Oh non! Ses parents, ils vont croire. Non, quoi, tu as fait un gosse? En plus, tu veux pas qu'elle vienne chez nous? Non, mais tu n'as pas honte! La situation horrible. Du coup, son père, qui est, il dit ouais, venez habiter avec nous. Enfin, voilà. Donc, lui qui avait rien demandé, le pauvre. Il se retrouve avec un fils, entre guillemets, puis une copine qui n'est pas sa copine pour le mais coup. Mais pour le coup, il fait comment, genre avec le... Parce qu'il est au lycée, c'est ça ? Exact, bah, il l'emmène au lycée. Il n'a pas le choix, parce qu'en en fait, il ne peut pas se séparer du bébé, il ne peut pas s'éloigner à plus de 15 mètres, sinon il meurt. Parce le que, bébé ou pas, lui ? Lui. Oga n'a pas le droit de s'éloigner de Baby Bell, sinon il meurt. Parce que sinon, ça aurait été trop facile, il aurait dit non, j'en veux pas. Mais il a pas le choix, il est lié par contrat sans le vouloir. Ça me fait penser à. Il a une marque en fait et ça le tue par électrocution s'il s'éloigne à plus de 15 mètres. Ça fait penser un peu à Parasite du coup. Ça fait penser un peu à Parasite effectivement. Et s'il pleure, Baby Bell, il se prend une décharge aussi. Ah, dur. S'il est pas content, s'il gueule, s'il est énervé, il se prend une décharge. Oh, c'est magnifique. Donc en gros. Ça, c'est une petite frappe en gros qui va se faire martyriser par un bébé. À quoi il ressemble ? Baby Bell, il a les cheveux verts. C'est un mini Zorro. Il a les cheveux verts. C'est un mini Joker. Et il se balade souvent à poil aussi comme bébé. Et comme il porte sur sa tête ou alors... ouais. C'est assez marrant comment il porte au gars. Mais moi, je trouve ça cool. Ça va donner plein de situations marrantes parce que des fois, je sais plus, il y a quelqu'un qui va prendre le bébé et partir en courant. Tu vois, au gars qui capte pas tout de suite, il se dit « Oh putain, je vais mourir !» Donc c'est fun en fait. Des moments de lucidité, tu sais. C'est ça. C'est normal qu'il ait une espèce de truc jaune. Sa totote la... Ouais. Oui. Ouais, c'est sa totote. Ok. C'est une petite boule jaune. On va chercher à comprendre. C'est comme aussi, il y a un moment, une fois par. Oh, je sais plus. Oui, ouais, il a une tête démoniaque un peu de temps en temps. Hein. C'est lui, ok. Oui. D'accord. Il va se battre souvent au gars. Il va faire des combats et il sera obligé d'être là avec Baby Bell. Alors des fois il l'aura sur lui, mais généralement il va le poser à côté ou il y a d'autres gens qui vont le garder. Et il va se battre et plus il va se battre, plus le Baby Bell va comment dire, aimer ça. Il aime la castagne, il aime tout ça vu que son but c'est quand même de détruire l'humanité. Je le rappelle. Donc plus il y a de la violence, mieux c'est. Et plus la personne avec qui il est en contrat est violente, plus il s'attache à lui et plus il devient fort lui en tant que démon, Baby Bell. Même Oga aussi, il devient de plus en plus fort aussi. Et c'est là que ça pose un autre... Là, c'est pour Oga que c'est intéressant. Parce que lui, il n'en voulait pas, hein, de base. Hein. Il n'en veut toujours pas et il cherche un moyen de le refourguer à quelqu'un. Pour refourguer, c'est simple. Il faut qu'il trouve quelqu'un de plus démoniaque et plus fort que lui. D'accord. Donc il va chercher à chaque fois. C'est pour ça qu'il va aller dans son lycée et essayer d'aller voir les 4 mecs les plus forts. Sauf qu'il les éclate tous. Oh, mais pas de bol. Oh, mince. Ah, c'est ballot. Je suis vraiment trop fort. Ouais, c'est un peu ça, mais il veut quelqu'un de plus fort. S'il y a des références, en vrai, à plein de mangas dans ce film-là. Enfin, ah bah, c'est possible, hein, mais... One Punch Man, par exemple, c'est pareil, un peu, il a la frustration d'être trop fort et de... C'est vrai que, vu comme ça, ouais. Ouais. Mais, alors moi, j'ai vu la saison 1 et peut-être 2. Mmh. Par contre, j'ai pas vu, comment dire... Ah, peut-être tu l'as vu, tu sais pas. Tu sais pas toi-même si tu l'as vu. Je sais pas, en fait, si c'est la saison 1 ou 2, je sais pas à quel moment ça commence. Ah. Non, mais... Tu regardes sur quelle plateforme? Alors Babybel, j'avais regardé sur YouTube directement, je crois, ou je sais plus. Je sais, j'étais jeune. Je l'ai regardé là sur YouTube, je l'ai re-regardé justement pour vous présenter. Mais ah oui, donc c'est un animé de ton enfance. Ouais, je dirais qu'il y a 6, 7, 8 ans à peu près. Mm-hmm. Bon, sortir en 2012, ça va. Quand t'avais 16, 17 ans. Ouais. Ouais, j'étais jeune. J'ai quoi, alors tu t'es toujours en jeune. Ouais, j'ai 24. Hein, et j'ai même pas hésité à le dire déjà, c'est déjà bien. On a le même âge. J'ai 17. 19. Il en a 19. Ouais. Il est célibataire d'ailleurs. On dit ça comme ça. Voilà, donc. Il y a un numéro pour plus longtemps, t'es dit. Putain, je viens de comprendre. Okay, il peut trouver quelqu'un de plus fort que lui, enfin voilà, et peut refourguer le bébé dans ce cas-là, et du coup lui il sera tranquille. Ouais. Mais il n'y arrive pas. Mais il faut qu'il trouve. Et plus tard dans l'anime, alors ça je l'ai pas vu, il y a en fait des démons qui vont venir et qui vont arriver dans son école, qui vont prendre possession de son école, et il va devoir se battre contre, je sais plus pourquoi. Au final, je crois qu'il voudra plus s'en séparer de Baby Bell, ils vont former un bon partenariat. Ah, puis voilà, j'ai pas vu la fin du coup. Former un beau partenariat avec un bébé depuis quand? Mais qu'est-ce qui te plaît le plus dans la série? Franchement, le côté what the fuck, j'ai un bébé, ça me rend fort, je peux pas m'en débarrasser. Alors en tant que papa, je sais que ça fait bizarre dit comme ça, mais j'étais pas papa à l'époque. Mais... peut... Ouais, maintenant que tu bah vois justement, ça maintenant de que, cet angle. Quand je l'ai re-regardé, je me suis dit, ah, putain, en vrai, c'est fun. J'ai un bébé. Des trucs que t'as expérimenté. Mais oui. Quelque part, ça te fait une force, non? Ouais, totalement. Est-ce que tu te prends des décharges quand il pleure? Eh ben non, j'ai des charges de la mer à la rigueur. Ne mets pas tes doigts dans la prise. C'est ça. Tu risques de te faire très très mal. Ne mets pas tes testicules dans le piège à souris. Ouais. Ah ouais, parfois, je crois que je l'apprécie encore plus maintenant que je suis papa. En fait. C'est cool, parce que cool. Je comprends la galère. C'est fini de l'avoir quand vous êtes parents. Voilà. Ouais, franchement, c'est avant et après. C'est vachement cool. T'as un autre point de vue. C'est ça. Sympa. Ça a changé le point de vue, mais je crois que je l'apprécie encore mieux. C'est toujours bien de revoir ce qu'on a vu quand on était putain jeune. Putain de micro. Oui, voilà, de temps en temps. Quand on grandit. Oui. Parce que tu le vois avec une. T'as une autre lecture de l'animé. En effet, t'as un œil différent. Oh, moins de bruit là! Ouais, ah, ta gueule! On les entend même enculé, avec. Enculé! Ouais, on va faire l'accent marseillais un petit peu. En compte de toi! Ouais, on va teaser la prochaine musique. Ah, attends, vas-y. Non, c'est pas un accent marseillais ça? Non. Oh purée, peu cher! Alors on va écouter Lise, voilà, mes repères. Ah oui! Tes repères, ouais. Ouais, j'ai perdu mes repères. Elle, c'est une Rouennaise de 24 ans. Eh ben non, elle habite pas à Rouen, elle habite à Rouen. C'est quoi la différence? C'est la ville. Non, c'est vrai. C'est pas au même endroit. C'est vraiment vrai. C'est une ville qui s'appelle Rouen. D'accord. C'est où? C'est en Bretagne? Aucune idée. Je sais juste qu'elle vient de Rouen. Attention, t'as deux. Elle a 24 ans. Je sais justement. Célibataire. J'attendais une réaction. Ouais. Je crois pas que ça. J'ai entendu le mot Bretagne. J'ai fait attends. Voilà. On m'attaque. Pays de Galles indépendant. Vous avez pas réagi, c'est pas drôle. Puis j'aime bien. Elle est fan de Sia aussi. Donc là, ça me fait un point commun. Ah. Ouais. Elle est fan de Sia. De Sia et Beyoncé. Point commun. De qui, quoi? Lise. Je vais dire Lisa. Lisa. C'est ma femme, Lisa, en fait. Lisa, voilà, elle est fan de Beyoncé et de Sia. J'aime bien Sia, c'est pas mal. Ouais, franchement, j'adore aussi Sia. Quoi. J'ai si on pouvait écouter pour voir, là. T'as essayé de chanter? Ouais. Oh, oui. Enfin, j'en ai chanté, c'est chaud. On va écouter. La pop culture est à l'honneur avec les Pink Avengers. Lui, j'y pète les vitrines. Ouais, j'avais pas dit... Est-ce que vous avez entendu? Je lui pète la rondelle. Je pense que même ceux avec des casques ont entendu comment j'ai roté le coca et courir, franchement, mais un mélange atomique. Après, mon voisin Totoro, mon voisin Rototo. Excellent. Alors. Dire que c'est toi qui me ramène après. Quoi? Non, je disais dire que c'est toi qui me ramène après. Ah. Eh ben. Mais si tu veux, je te laisse là? Non, ça va. Ouais. Alors, embrasse tout rapide. De quoi tu te plains? Non, ça va, on suffit à tes blagues. Je rappelle. Comment elle se rattrape? T'es trop mignon, mais t'es un tout petit breton. Ah, c'est pas celle-là. Là, tu connais pas la tour Montparnasse infernale? Oui, croit savoir lire sur les lèvres, et puis t'as Marina Foïs qui fait t'es mignon, mais t'es un tout petit peu con. Et lui, il fait t'es mignon, mais t'es un tout petit breton. Ça, c'est mignon, quoi. Ah, il s'est presque pas trompé. Je rappelle pour petite infomasse. Ah, oh là. Information. Oh là là là. Là, là. Un, deux, trois. Je rappelle pour petite information que l'émission est disponible en podcast sur une vingtaine de plateformes de podcast, notamment Spotify, Deezer, etc. Je connais pas tous par cœur. SoundCloud. Ah bon? Peut-être. Oui, j'en doute. Voilà. Mais dans le doute, au pire, allez j'ai voir sur. C'est pas faux. C'est déjà pas mal. Mais dans le doute, au pire, allez voir sur indestar.fr, hein, ce sera beaucoup plus simple. Vous allez dans la rubrique podcast, et puis voilà. Sinon, vous pouvez nous appeler aussi au 09 70 407 306. Alors, ça, c'est en option. Si vous avez envie en fait, de parler de quelque chose, si vous avez envie de faire une remarque sur un des films ou un des jeux, bah, n'hésitez pas, appelez-nous. Ou même si vous avez envie de passer aussi, faites-le. Allez. Voilà, la porte est presque ouverte. S'il y a de la lumière, vous pouvez passer, comme l'émission de Clément. Vous pouvez rentrer. Voilà, c'est ça. Mardi de 21h à 23h, il y a Clément. J'ai vu de la lumière. Alors là, les gens, ils rentrent, pour le coup. C'est mieux de faire l'émission à l'intérieur que dehors. C'est nul. Tu t'en fous, ça. Mais ouais, je m'en fous, vous me laissez galérer. Bah ouais. C'est pas très grave. Non, ton sable mouvant. Tout ce que je sais, c'est que tu vas nous présenter un film. Oui. Tout à l'heure. Oui. Après la musique. Ouais. Est-ce que je peux teaser ou pas? Tu peux teaser un petit peu. Juste vous poser une question. Est-ce que ça vous dirait de retourner en enfance? Oui. Franchement. Ouais. Oui. Est-ce que vous devriez. Je sais de quoi tu vas parler. J'ai écouté la musique tout à l'heure. Je l'ai vu. J'aimerais bien retourner un peu à l'adolescence plutôt, pas à l'enfance totalement. Tu vois, moi j'aimerais bien avoir 14 genre, ouais, voilà, 20 ans. Genre 12, non, c'est, 14 c'est à peu près ça, ouais. Là, t'es bien. Mmh. Ah, est-ce que tu voudrais, si, les années collège, si c'est pas mal. Est-ce que tu voudrais redevenir un enfant? J'aimais bien les années collège. Enfant, pas trop, parce que bon... Mmh. Mais dis donc, on serait pas en train de faire une relance d'émission, là? Si, là, tu relances l'émission, oh, qu'est-ce que tu crois? Regarde, là, dans quelques secondes, minutes, je sais pas trop encore, on va couper, on va me remettre une musique. Wow. Vous avez vu, hein, c'est la première relance d'émission de PK Avenger qui va être plus ou moins propre. Ouais. Hey. Plus ou moins à l'heure aussi. Plus ou moins à l'heure. Alors non, elle est pas du tout à l'heure parce que la relance d'émission, on l'a fait à 22h. Ouais, moi, je dis plus ou moins. 22h20, ouais. Alors, ça, c'est qu'un détail. Normalement, justement, quand on est en retard, on la saute, mais bon... On met de musique. Vas-y, de toute façon, on va finir à 23h30. Vous nous aimez bien, vous. Vous êtes habitués à finir à 23h30. On aime vous persuader. Allez, on voilà. Ouais. Maintenant, c'est comme ça qu'on fait. Allez. Voilà. Donc, on va écouter Peter. Peter Klug. 14 secondes. 13. Ouais, bon, oh, ça va, je suis large. Regarde, petite pause. On va écouter Peter Klug, No Roots. C'est un cover de Alice Merton. Ah, bah mince, t'as plus le temps. T'as plus de temps. Allez, salut. J'avais fini. Jusqu'à 23h. La pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Et allez, on fait tous un gros chef pour Marguerite. Chef qui est arrivé juste à l'instant. Steak. Ou steak, évidemment. On peut faire un steak aussi. Mais faut faire notre steak, moi, les plus marrant. Pour le coup, c'est pas ta rubrique qu'on va présenter tout de suite. Toi, je passerai après Galen. Tu t'en bats les couilles. S'en bats les ovaires. En l'occurrence. Tu t'en bats les steaks. M'en bats les couilles, frère. S'en bats les ovaires. Exactement. C'est pour ça qu'on s'en bat les steaks. Ouais. En fait, c'est la même, mais ouais. Comme on s'en bat les couilles. Voilà. Moi, je fais comme Rocky dans la réserve, je m'en bats les steaks. Big up Orelsan, bien sûr. Yes. Là, c'est pas d'Orelsan que tu nous parlais. Non, non, je vous parlais d'un film c'est dommage. Magique. C'était bien Orelsan aussi. Ouais, mais bon. Ouais, voilà, on se rapproche du mois de décembre, et le mois de décembre, les fêtes de Noël. Et là, je vais vous parler d'un film qui s'en rapproche. Parce c'est un Disney? Non. C'est un film à l'eau de rose de merde. Non, Gaël. C'est un film de l'eau de rose de merde. Non. Les films de Noël. Non, c'est pas un film de Noël. Je t'ai dit que ça s'en rapproche parce que Noël est quand même présent dans le film. Parce d'accord. Que alors d'abord, c'est un film réalisé par Steven Spielberg. Donc c'est Hook. Ou La Revanche du Capitaine Crochet qui est sorti en 91. Ouais, ouais, c'est un film de Spielberg. Bah pour moi, c'est Peter Pan en fait. Oui, c'est Peter Pan. Mais sous un autre angle. Mais avec Robin Williams. Avec Robin Williams, ouais. Donc la semaine dernière, ouais, je vous ai parlé d'un... Ah mais attends, j'ai dit quelque chose. Mais... Non. Hein? Ça te dit quoi? Attends, il y a un chanteur qui s'appelait Robbie Williams, c'est ça? Oui, qui s'appelle Robbie Williams. J'ai le chien de ma grand-mère qui s'appelait Robbie. Puis t'as l'acolyte de Batman. Alors, aussi. Alors, Robin Williams. Oui. Robin. Est-ce que Robin tu vois un autre film dans lequel il a joué? Je sais pas, j'en ai peut-être parlé... Tu vois qui c'est, quand même. J'en ai peut-être parlé la semaine il dernière, a les yeux je bleus. Sais pas. Oui. On s'en fout. Oui, c'est vrai. Bah, c'est... Ouais. Non, si, je vois qui c'est, pour le coup. Ouais. Et oui, t'en as parlé plusieurs fois, effectivement. Bah, j'en ai parlé la semaine dernière dans le cercle des poids disparus. Là, j'arrive à mettre une tête oh, en fait. Oh, c'est vrai. Oh putain, j'étais pas là. Ouais. Ouais. Quand on a parlé, bah ouais. Oh, trop déçu. Ouais, t'iras réécouter l'émission. C'est ça. T'as ouais. Pas écouté le podcast oh. Il faut que j'écoute. Je vais aller écouter le podcast. T'iras écouter, ça me dérangera pas. D'accord, bon. Voilà, donc alors c'est un film de cinéma fantasy aventure qui dure 2h25. Donc d'accord. La production, si c'est Steven Spielberg, c'est forcément Amblin Entertainment. Avec Amblin Entertainment, tu sais, c'est ah le oui, logo oui, avec E.T. Oh putain, au oui. Début. Wow. Oui, je suis mauvais voilà. En anglais. En fait, Amblin, c'est pas choisi par hasard, c'est juste que c'est le nom de son premier court métrage. Il s'appelle Amblin, ouais. Le premier court métrage de Spielberg. Okay. Et donc, voilà, donc on a aussi Kathleen Kennedy bah, qui est derrière tout ça. Et on a, bien évidemment, un des grands compositeurs à la musique qui s'appelle John Williams, qui a fait la musique de Star Wars. Ah oui! D'accord. Donc voilà, merci. Il fallait Jolan juste qui le petit la truc. Musique. Donc c'est la musique du début. Quel rhum. Ah, ça me donne trop envie de. Bah ouais. Oui, dès que tu l'entends. Quand je vais c'est pas pour moi, de la musique, moi cette musique, John Williams, c'est un pur génie. Ça fait un peu pirate, ça fait un peu aventure. Ça fait piraterie, aventure. Ça fait aventure. Ça peut faire un peu Star Wars. Il y a un peu, oui. T'as quelques notes qui sont. Oui, voilà, c'est ça. Quelques notes qui pourraient s'y ressembler, mais vaguement. Il y a des notes un peu de Harry Potter, je trouve. De magie. De magie. Ouais, bah Harry Potter, c'est Harry Potter, ça arrive. C'est un univers magique aussi, oui. Mais... Peut-être qu'ils se sont un peu aspirés, c'est possible. Ouais, peut-être. Mmh. Ah, bah, il y a un peu. Ils respectent une thématique, de toute façon, c'est magique, c'est fantastique. Harry Potter, pareil, donc forcément, ils ont des musiques qui peuvent se ressembler, on va dire, de près ou de loin. Donc là, ouais, là aussi, on a un super casting. Parce que d'abord, en premier, on a Robin Williams qui joue le rôle de Peter Pan. C'est un adulte. Oui, là mais c'est il un était jeune à l'époque. Et à l'époque, on a tous été jeunes. Hein. Oui. Ah bon? Ouais. Il était jeune à l'époque. Mais ouais, il était jeune. Là, en fait, ouais. c'est devenu un adulte. Mais d'accord. Alors ensuite, on a Dustin Hoffman qui joue le rôle du capitaine James Crochet. Mm-hmm. Moi, à chaque fois que je vois le film, je vois le capitaine Crochet. J'arrive pas à voir Dustin Hoffman tellement il est bien maquillé. Ah ouais. Ouais, ah c'est ouais fou. Je reconnaissais très, tu vois. Quand on m'a dit que c'était Dustin Hoffman, j'ai fait ah what? C'est lui, oui, en effet. Ensuite, bah, on a Julia Roberts qui fait la fée Clochette. Et on et on a enfin Maggie Smith qui joue Wendy Darling. Oui. Et alors Maggie Smith, vous la connaissez puisqu'elle joue le professeur McGonagall dans Harry Potter. Mmh. Qui est décédée, RIP à elle d'ailleurs. Comment? Oui, c'est elle vrai. Putain, je m'en souvenais plus. Pour moi, elle est toujours en vie. Dans notre esprit, elle le sera toujours. Ouais. Voilà, alors, pour faire court l'histoire, donc Peter Pan, qui est à présent adulte, qui est devenu Peter Bowling, un avocat d'affaires débordé. Par son travail qui n'arrive pas, qui promet à son fils d'aller voir son match de baseball mais qui n'arrive pas à tenir sa parole. Il dit ma parole est en béton, malheureusement non, ce n'est pas le cas. Classique, parce qu'il envoie quand même un de ses associés aller filmer le match de son fils. tellement il est débordé quoi. Donc il a vraiment tiré un trait sur son passé, vraiment il s'en souvient pas. Voilà, il s'est marié, il a eu deux enfants, Jack et Maggie. Qu'il a tendance à négliger. Il a tendance à trop boulot. Voilà, boulot. Il a pensé trop boulot. Et donc à l'occasion de Noël, il se retrouve avec sa famille chez Wendy, qui elle est devenue grand-mère. Parce que dans le ah ouais, c'est violent. Ouais. Dans l'histoire générale, Wendy c'est toujours une enfant. Ouais. D'accord. Mmh. Mais là, vu que le temps a passé, c'est devenu une grand-mère. Oui. Donc en gros, ils sont là pour dédier on une aile. Entendu. Au cas où tu te posais la question. Ils ont rendu hommage en fait à Wendy, ils dédicacent une aile à un orphelinat pour Wendy, ouais. Donc ils sont là-bas pour cet événement et pour les fêtes de Noël. J'ai une anecdote sur Wendy. D'accord. Si tu veux. Après. D'accord. Ok, tu la gardes au chaud. D'accord. C'est cette nuit où le capitaine Crochet kidnappe ses enfants afin de provoquer son vieil ennemi en duel. Et donc, pour sauver ses enfants, Peter n'a plus qu'une solution, revenir au Pays des Merveilles, se souvenir qu'il doit voler, qu'il doit se battre, qu'il doit pousser son cri, comme le dit la flûte, un des enfants perdus. C'est quoi son cri? Son cri, je ne veux pas le faire parce que je ne sais pas le faire. C'est un cri de cocorico, non? C'est un cri d'aigle. C'est un cri d'aigle, ouais, ah, oui. Pour moi. Mais il doit d'abord regagner l'estime des garçons perdus. Et le capitaine Crochet, quand il voit Peter Pan ce qu'il est devenu, il y croit pas quoi. Il dit mais non, c'est pas possible, c'est pas Peter Pan lui. Et donc la fée Clochette arrive à le convaincre de voir son combat, parce que sinon on va se souvenir du capitaine Crochet comme de rien du tout quoi. Donc la fée Clochette fait un pacte avec le capitaine, 3 jours pour remettre en forme Peter Pan afin qu'il ait sa bataille. Voilà. LOL! Elle demande au méchant en gros de le préparer pour que. En fait, il est cool, Captain! ouais, parce qu'il, quand même, il veut sa bataille, quoi. Ah ouais. Et alors, Peter, lui, grâce aux enfants perdus, ils vont le remettre sur pied, quoi. Il va redevenir jeune? Voilà. Non, pas jeune, mais. Un état d'esprit jeune. Au début, il a du bide, à la fin, il en a plus. Genre, en 3 jours? Et c'est un bon régime, ça, mais, oui, 3 jours. Donc, à force d'efforts et de persévérance, Peter retrouve le principe qui lui permettait jadis de voler. Donc concevoir une pensée heureuse, et elle survient le jour où il réalise que le fait qu'il voulait devenir papa, c'était une pensée heureuse. Voilà. C'était... c'est à ce moment-là qu'il a perdu la mémoire. Ouais. Mais non, mais du coup, c'est cool. Ouais, ça a l'air sympa. Ouais. Bah, je trouve ça beau, en fait, le fait qu'il voulait devenir papa, ce soit sa pensée heureuse. Ah bah oui. C'était... Voilà. Non, mais... Donc vas-y, raconte-moi ton anecdote. L'anecdote, c'est par rapport au prénom Wendy. Oui. Wendy, alors je sais pas, c'est sorti dans les années 90, non? 91, le film. Oh. Mais alors, si tu veux parler du dessin animé de Disney, ça sortit en 53. C'est pas du dessin animé que je voulais parler. Barry. C'était par rapport à un film. Avant qu'un film soit sorti dans les années 80-90, Wendy, c'était un prénom très peu répandu en France. Bah, voire pas du tout, en fait. C'est très britannique, Wendy. Ouais. Par contre, j'en ai connu une qui, du coup, s'est quand même appelée Wendy à cause d'un film Peter Pan. Mm-hmm. Ouais. Je sais pas si c'est ce film-là ou un autre. Il doit pas avoir 36 non plus. Deux. Non, il y en a trois. Juste un dernier, ouais. Il y en a en 2003 et en 2004. C'est trop tôt. Enfin, c'est trop récent. Mm. Donc, ça doit être celui-là. Mm. En référence à ce film-là, du coup, parce qu'elle est un peu plus vieille que moi. Et je suis né en 95, donc... Là, c'est le film, c'est 91, donc à mon avis... C'est ça. C'est ça, c'est ça parfaitement peut être ce film. Eh ben, je connais une amie qui s'appelle Wendy, du coup, à cause de Peter Pan. D'accord. C'est cool. Donc, un petit big up à Wendy Bureau, d'ailleurs, si tu nous écoutes. Ça peut arriver, on sait jamais. Voilà, quelque chose à savoir sur le film. Lorsque Peter et sa famille sont dans l'avion au début du film, on peut entendre une annonce du pilote, dont la voix est celle de Dustin Hoffman, qui incarne le capitaine Crochet. Donc on entend sa voix quand ils sont dans l'avion, et il commence sa phrase, il dit « This is your captain speaking », donc c'est votre commandant qui vous parle. En VF, ouais. ils disent commandant, mais ça serait mieux de dire « c'est votre capitaine qui vous parle ». Oui, pour faire plus de liens. Voilà. Voilà, quand on fait attention à la voix, en tout cas, on entend la voix. Ouais, bah oui, on entend Dustin Hoffman. D'accord. Mais c'est voulu dans le film, en gros, que... Oui. Ou alors c'est oui. juste parce qu'ils ne voulaient pas payer un autre acteur pour faire la voix. C'est voulu. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand ils sont en avion, et quand on connaît Peter Pan, là, Peter, il dit « bah, j'aime pas l'avion parce que j'ai le vertige ». Ce qui fait rire déjà tous les pirates quand ils arrivent au pays imaginaire. Voilà. Parce qu'eux, ils peuvent l'écouter Non, mais quand il arrive au pays imaginaire, il dit « si tu veux récupérer tes enfants, t'as qu'à voler ». Ah non, j'ai le vertige. Et il fait « non, j'ai le vertige ». Voilà. Oh, putain. Et tout le monde se moque de lui. Et à un moment, bah, ce qui est drôle aussi, c'est que bah, il va aller récupérer ses enfants qui sont dans des cordes, ouais. En l'air, attachés. Ouais. Attachés. Et lui, ce qu'il doit faire, bah, c'est grimper sur les cordes du bateau. D'accord. Et à un moment, il fait, bah, quelqu'un peut me donner un coup de main. Et le capitaine Crochet rétorque, moi, je l'ai déjà donné. Voilà. Ah oui, c'est magnifique. Moi, j'adore. C'est Il l'a perdu du coup. Bah oui, puisque c'est Peter Pan qui l'a coupé et l'a donné au crocodile. La violence. Et Capitaine Crochet tue le crocodile et en fait une horloge. Il faut savoir que Capitaine Crochet a la phobie des horloges. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais pourquoi il transforme en horloge alors? Oh, bah de toute façon, il est pas à côté de l'horloge donc il s'en fout. Oui, mais il aime pas les tic-tac. Voilà. Et alors, les plus attentifs auront pu remarquer un caméo, le caméo de Glenn Close dans l'une Qu'est-ce des que scènes c'est, du film. Un caméo, c'est l'apparition d'un court instant d'une personne connue. Tu vois les caméos de Stanley? Oui, voilà. D'accord. Et là, c'est le caméo de Glenn Close, qui est une actrice américaine, qui est déguisée en pirate. Donc elle a des cheveux et une barbe grise. Et pourquoi elle fait une caméo du coup? Comme bah, ça. Ah voilà. Parce qu'elle aime bien. Elle avait en fait, c'est la star. Elle interprète un rôle de pirate homme qui se voit enfermé dans le fameux coffre à bobo. Parce que le capitaine Crochet fait, mais il y en a un parmi vous qui n'a pas cru que j'arriverais à enlever les enfants de Peter Pan. Et il se dirige, et il va vers elle, qui est déguisée en pirate. Oh, et il fait, vas-y, dis à ton capitaine que tu n'as pas cru en moi. Et il fait, bah non, j'ai pas cru en toi, quoi. Et il l'enferme dans la cage à Bobo. Lol. Ah, oui. A fait Bobo. Ok. Voilà, où ils mettent des scorpions. Ah, du coup, elle fait Bobo. Ouais, ça fait Bobo. Ah, ouais, ça pique un peu quand même. Ouais, et sinon, au début. On pourrait lui dire ça. 15% sur les cercueils. Aussi, au début du film, on a un autre caméo. Vous connaissez le chanteur Phil Collins? Oui. Voilà. Et bah, au début, on voit Phil Collins interpréter un inspecteur qui vient dès que les enfants ont été kidnappés. Ouais. Ah, ouais, c'est pas mal en fait. Ouais, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal, c'est petit. Ouais, c'est bien. Ouais. Mais alors, aussi, pour revenir au début, l'intérêt de Steven Spielberg pour l'histoire de Peter Pan ne date pas de Hook. Car le jeune Spielberg, quand il était âgé de 11 ans, pour son école, il a fait une mise en scène de la pièce de théâtre adaptée du livre de J.M. Barrie. Soit. Voilà. Qui est sans doute un livre sur Peter Pan. Bah, c'est le je livre. Je suis pas connaisseur, mais d'accord. Il y a les BD Peter Pan aussi qui sont chouettes. D'accord. D'accord. Mais voilà, pour résumer Peter Pan, si je devais choisir une scène, ça serait celle où il doit s'imaginer qu'il est en train de manger. Pourquoi il doit imaginer qu'il doit être en train Parce de manger? Parce qu'en fait, les enfants perdus font de la cuisine, mais il n'y a rien dans les plats. Ah. Et en fait, ils appellent ça de l'imagibouffe. Voilà. Et lui, bah, il est là, il fait, mais il n'y a rien dans les assiettes, je veux un steak, je veux des œufs, je veux du café. Et il n'y a rien de tout ça, parce qu'il a oublié ce que c'était de s'amuser, et c'est vraiment ce moment fondateur qui fait qu'il va redevenir Peter Pan. D'accord. C'est vrai. Ouais, c'est cool, mais ça serait bien en vrai d'imagibouffe. Hein. Ah, trop bien. Ouais, j'imagine un pot de Nutella. Et puis la bouffe qu'ils imaginent. Ah ouais, ça a l'air délicieux quoi. À ce point-là? Ouais. Ah ouais. Ouais, tu vois les banquets de table dans Harry Potter? Ouais, bah, voilà. Avec poulet, des trucs, machin. Je sais faire pareil. Bah, j'ai les compétences pour. Oh. J'ai un CAP cuisinier. C'est vrai que tu nous fasses ça. Il y a deux cuistots à cette. Mais on n'aime pas cuisiner. C'est intéressant. Je suis pas très fan de la cuisine. Pour les tournages, c'est intéressant. Je suis plus boulanger-pâtissier. Si vous voulez des petites pâtisseries. Ah, ça nous va aussi. Boulanger-pâtisserie. Des petits gâteaux, tout moment du temps. Voilà, petite dédicace à Ultra Vomit. S'il nous écoute, il y a peu de chance, mais bon, quand même, on tente le coup. les aime bien. Donc je trouve que le film est un peu sous-coté sur les critiques, en tout cas, parce qu'il y a Allociné qui donne 3,7 sur 5. Ah, puis MDB qui met 6,8 sur 10. Bah tu vois, moi je suis pas très fan de tout ça, parce que bon, Peter Pan, je sais pas si c'est un Disney, mais j'assimile souvent à des trucs comme ça. Peter Pan, il y a le Disney. Pas très fan. Je suis pas très fan de tout ce qui est Disney et tout ça. Ah, ils en ont refait au début des années 2000 qui s'appelle Retour au pays imaginaire, où là tu suis la fille de Wendy. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Je connais pas. Oui, mais je suis assez fan de. Enfin, il a l'air beaucoup mieux en fait que les autres histoires de Peter Pan qu'on ait pu voir. Enfin, que que là il est adulte. Et à un moment, Wendy lui dit « Mais c'est toi, Peter Pan », et lui, il veut pas y croire. Oui, mais justement, c'est ce côté-là qui a l'air vachement plus sympa que le Peter Pan qui est déjà enfant, qui... Je sais pas comment dire ça. Il y a peut-être un... C'est un peu plus de profondeur dans le sens où... Peut-être. C'est moins Disney. C'est moins... Tu découvres et tout, enfin... Tu découvres aussi le monde imaginaire, mais c'est encore... L'imagibouf. C'est pour l'imagibouf, ouais. On va retenir ça de Hook, l'imagibouf. Vraiment, allez regarder juste cette scène. Ouais. C'est ce qu'on va faire tous les jeudis, on va imaginer des pizzas. C'est peut-être ce qu'on a fait là tout à l'heure. On n'a pas fait que les imaginer. Non, parce que sa carte bleue s'en rappelle aussi. Ah. T'es pas obligé de préciser ça. Si on a imaginé une pizza que t'as payée. Non, elle est tombée du canon. Enfin, il y en a deux qui sont tombés du canon. Ah, d'accord. Ma foi. Ça va être ton tour. Oh. Oh. Tu vas nous présenter Signe. C'est pas le lac. Pas le lac. C'est bien dommage. Non. Tu vas nous présenter Signe, mais non pas tout de suite effectivement. Avant, on va écouter Basement Alchemy, Chasing My One Tail. Je sais même pas si je l'ai dit correctement, mais bon. On va le prendre comme Chasing, ça. Peut-être. On va écouter Basement Alchemy et on verra bien ce que ça donne. Je sais pas. La pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Exactement, et là c'est surtout avec Marguerite. Marguerite, bonjour. Marguerite. Voilà, notre CM Marguerite, vous la voyez Marguerite. À la caméra. Ah bah non, vous la voyez pas. Elle est en train de manger des pizzas. Arrête. Elle est en train de manger de l'imagibouffe. Donc je pense qu'on va lui dire. Que j'aime. Je vais. Oui, j'y pète les vitrines. Ah non, c'était peut-être pas la bonne circonstance. Steak. Ah oui, voilà. On va dire c'est ça. Je te tue, mais je t'aime. Je t'aime. Voilà. T'aimes bien. Non, mais on a fait exprès de te laisser finir manger parce que, bon, allez, faut bien qu'elle mange quand même. Regardez, elle est pas très épaisse. C'est moi qui dis ça. Pas comme la pizza. Ah, pas... Elle t'a regardé de travers, là. Bah ouais, parce qu'elle doit savoir que c'était ironique. Oh là, l'enfoiré. Oh, ça parle mal. Tu renchéris pas. Oh, bah c'est dommage. Mais ça mérite ça, en plus, hein. Je te tue, mais je t'aime. Oui, effectivement. C'est... Non, mais il y en aura d'autres. Je garde pour la dernière partie de cette émission le jeu Cochon de guerre, parce que bon, je pense qu'on va bien se marrer à ce moment-là. Ouais. Ça va être marrant. Oui, je te confirme. Ça va nous réveiller un petit coup, je pense. Là, on va parler de Signe. Ouais, deux heures. Un film. Un film, donc. Mais pas n'importe quel film. Ah bon ? Non ? C'est vrai ? Bah, oui. Signe. Pourquoi ? Qu'as-tu en tête ? Je sais pas. C'est pas un lac, très très bon c'est film. Un Il y avait pas de blague. Oh, je suis dit. Eh ben non. Ouais, donc c'est un film de Shyamalan qui a aussi fait Split. Vous connaissez peut-être. Oui. Ouais, ah, j'aurais pas présenté celui-là en premier. Ah, mais c'est Split. Celui que tout le monde connaît de Shyamalan, je trouve. Ou Sixième Sens. Sixième Sens. Oui aussi. Ouais. Aussi. Est-ce que tu connais Sixième Sens, Teddy? Attends, si, c'est avec Bruce Willis. Oui. Oui. Une fille avec des cheveux rouges. Orange. Quoi? Je crois pas. C'est elle, le sixième sens. Non, ça c'est le cinquième élément. Non, ça c'est le cinquième élément. Pas la même chose. Oh, mais j'étais presque. Il y a bien Bruce Willis, mais c'est pas. Oh putain, t'es un chiffre près là. Oh ouais, t'es un chiffre près quoi, merde. J'ai failli les avoir dans le bon ordre. Ah tant pis, j'avais Bruce Willis déjà, c'est déjà pas mal. Presque. Et ouais, d'ailleurs, pour le sixième sens, il a gagné quand même 6 Academy Awards. Ouh. Ce qui est pas rien. C'est pas rien. Il a fait d'autres films très très cool, genre Incassable. Oui, ah oui, ouais. Ça je le connais, tu vois, pour le ça, coup. Ça, tu vois, ok. Dedans, il y a un mec. Bruce Willis. Il se casse tout le temps. Alors lui, il est incassable. Pour le coup, il a des accidents, il a rien. Et t'as un mec qui arrive plein de coups. Comment il s'appelle? Il tombe, il se casse des. La maladie de verre de Samuel L. Jackson. C'est ça. Samuel L. Jackson. La maladie de verre dont j'ai une amie d'ailleurs. C'est l'éventail. Comme ça, c'est l'opposé. C'est comment c'est exactement. Et il est jaloux de Bruce Willis. Unbreakable. Le nom du film, c'est Incassable. C'est Unbreakable. Et bah, dans le film, Samuel L. Jackson est jaloux de Bruce Willis, si je me rappelle bien. Bah, en fait, c'est pas tellement qu'il est jaloux, en fait, c'est qu'il cherche à retrouver. Il se, en fait, comme les super-héros, en fait, il est fan de. Enfin, il est complètement fan de comics depuis tout petit. Et il se dit qu'il doit forcément y avoir son opposé quelque part. Donc, il finit par le trouver. C'est un bon film, je trouve. On dira pas comment, parce que sinon je vais tout dévoiler, donc je vous laisse. voilà. Mais par contre, j'en profite pour faire un big up à une fille qui a la main édite vert, qui s'appelle Anis, qui est la sœur de Wendy. Je m'y attendais pas. Bah, ouais, voilà, pas toute la famille Bureau pour le coup. Et justement, on parle de liens. Il y a plein de liens dans ce film. Ah. N'est-ce pas, Gaëlan? Oui, on a parlé tout à l'heure. Ouais. De quoi en venir à Shyamalan? Alors, déjà, c'est un de mes réalisateurs préférés. Je kiffe. Trop, trop, trop bien. Même s'il est sous-côté. Ah, il est carrément sous-côté, c'est très dommage. Il est un peu détesté. C'est que. Ouais, il est détesté. Il a fait un peu sa chouineuse là, quand son dernier film est sorti et que tout le monde n'aimait pas. Donc, ouais, en même temps, j'avais pas compris. J'adore Shyamalan, mais là, j'ai pas compris. Ils ont fait une espèce de mix de Split et Incassable en fait. Ah, la suite. Des personnages, la parce suite. Parce que Incassable, Split et Glass, ça. Ça peut être trilogie. Sur le même univers. Ah, d'accord. C'est le même univers, carrément. J'avoue que j'ai pas compris. Moi non plus, moi non plus. Ah, il a voulu faire un univers étendu, ça a pas marché. Enfin, un truc du genre. Dommage. Mais ouais. Dommage. Ouais, c'est dommage parce que vraiment, chacun dans leur univers, pour le coup, ça fonctionne, quoi. D'accord. Ah, bon, ouais, indépendamment, ça marche bien. Ah, ouais, ça marche super les deux bien. Premiers films, ouais. Ouais, ouais. Ah, voilà. Donc, pour le coup, c'est un réalisateur qui est né en Inde, mais il a grandi à Philadelphie. D'accord. On pense souvent qu'il est indien, mais en fait, non, il est surtout américain. Oui. Parce que s'il serait indien, je me poserais des questions et je me dirais, oh mon dieu, il a peut-être réalisé des films indiens. Ah, faut savoir, les films d'action. Ouais, ouais. Putain, ouais, c'est magnifique. Enfin voilà, donc pour revenir à Signe, en fait, donc, comme acteur, on a Joaquin Phoenix. Je parlais du Joker la dernière fois. Il revient. Il y a aussi Mel Gibson qui joue dedans. Connais, de nom. Qui est très, qui est très cool. Ouais. Et il y a une citation que j'ai trouvée de Shyamalan que j'aime bien. C'est que, en fait, il disait, mon espoir, c'est que nous cassions tellement de règles que nous en venions à créer notre propre règle. Mmh. Je trouve ça génial. En termes de règles cinématographiques, je trouve ça assez cool. Bug system. Mais bug system. Oui. En fait, ouais. T'as beaucoup de règles dans le cinéma. Ça, oui. Jusque-là, ok. En fait, son but, c'est d'arriver à casser des règles et du coup, en créer une nouvelle, en fait. D'accord. En cassant les règles, en créer une nouvelle. Ouais, faut casser les règles, en fait. Ouais, c'est ça la règle. C'est un peu, c'est un peu son, alors ça, son mentor. Pour faire partie du zoo et tout ça, je l'ai souvent vu. Il veut transgresser un peu les règles. Thomas m'a toujours dit, y a des règles au cinéma, mais au final, pour avoir une vision d'artiste, pour pouvoir explorer, pour pouvoir faire quelque chose de bien, il faut pouvoir s'aventurer dans d'autres choses que les règles, en fait. Les règles, c'est basique, en fait. Tu pourras faire un truc potable, mais si tu veux faire un truc qui est plus poussé, avec plus personnel, plus tout ça, il faut casser des codes. Ça me fait penser, c'est ce que Thomas m'avait dit, il m'avait fait un discours comme ça un jour. Okay. Ça me fait penser à notre prof d'image, Big Up à Philippe, qui nous disait, bon, de toute façon, les réalisateurs, tant que ça marche, on s'en fout. Ça brise les règles, c'est pas grave. Ça marche, donc on s'en fout. Vous avez la règle des 180 degrés. La règle des 180 degrés, des 30 degrés. En fait, il n'y a pas vraiment de règles, parce que tout le monde les casse et ça donne bien, au final. Donc, C'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant, mais en fait, je trouve que quand même pour arriver à casser les règles, il faut quand même les connaître. C'est ça, en fait, il faut commencer par ça, il faut commencer par connaître les règles. Parce que juste se dire, je vais casser les règles, je vais faire faut pas commencer comme ça, Là, pour le coup, oui, tu vas briser les règles, mais ça va pas rendre bien, quoi. Je vois. Et donc, dans Signe, il brise beaucoup de règles. Ou c'est juste une formulation? Non, pas trop. Il a un style, en fait, qui est très particulier. Déjà, d'accord. Alors, pour te faire un petit pitch, donc en fait, t'as Bugs Conti, qui est joué par donc Mel Gibson, qui, après la perte de sa femme, a quitté son métier de pasteur. Il essaye d'élever ses enfants Morgan et Beau. Beau. Ça s'écrit Beau, je précise. Beau, c'est la petite fille. Face de Beau. Oui, donc, c'est une fille qui s'appelle Beau. Elle est interprétée par Abigail Breslin, qu'on voit dans Little Miss Sunshine. Oui. Et dans Zombieland. Très bonne actrice. Oh, j'aime beaucoup. La petite ou la grande? La petite. Ah, Little Rock. Big up à Little Rock. Et donc Joaquin Phoenix joue pour le coup son frère, le frère de Bucks, Meryl, qui est une ancienne star de baseball. Soit. Voilà. Et donc ça se passe en Pennsylvanie. Voilà. En Pennsylvanie. Ah non, ça doit être une malformation de cochon de garde. C'est pour ça. Et en fait, il voit des signes étranges, pour le coup, dans les champs. En fait, Des crop circles. Circle crop. Et voilà. Oh, Oh, je connais ça. C'est... En gros, c'est des dessins. On dit que c'est fait par des extraterrestres, mais pas du tout. En fait, c'est juste des humains qui se sont amusés à faire. Non, en fait, c'est tellement bien millimétré que ça pourrait pas être fait par des humains. Ouais, c'est ça. Apparemment. Donc tout le monde croit mais bon, à une invasion extraterrestre. Chacun pense comme il veut, hein, de toute façon. Et au propre, petit bonhomme vert, par exemple. Là, c'est le thème. Faudrait plus d'une nuit pour faire ça. Moi, j'y crois. Enfin, j'aimerais bien en fait que ça existe. Mais tant que j'ai pas de preuves, je suis assez cartésien là-dessus. Ce qui me semblerait presque un peu mégalo de notre part, c'est de nous dire non, mais de toute façon, on est les seuls dans l'univers, c'est pas possible. L'humain est un peu mégalo en soi. Oui. Moi, je dirais jamais ça. Mais j'aimerais bien en fait que ça existe. Mais j'aimerais bien le voir. Oui, c'est ça en fait. Plutôt qu'un jour ça vienne, puisque ça existe. Aussi, si. J'aimerais tout, mais je peux pas me dire ça existe si je les ai pas vus, quoi. C'est ça le problème. J'ai du mal en fait à me. Bah ouais, c'est ça, ouais. J'arrive pas à me projeter. T'as un peu l'idéologie de Saint Thomas, toi. L'idéologie de Saint Thomas J'ai vu, mais je vois ce que je crois. Moi j'appelle ça cartésien. Je crois ce que je vois. Oui, voilà, c'est ça. Ça dépend, il y a du oui et du non. Mais du coup, dans Signe, ça parle beaucoup de ça. Et c'est vraiment le thème, en fait, il reprend justement ce thème. En fait, le petit garçon Morgan, et il trouve en fait un magazine sur les extraterrestres. Ouais. Et puis ça commence à devenir une espèce d'obsession et tout. Et en fait, Meryl, le frère de Bugs, commence lui aussi à rentrer dans cette espèce d'obsession. Alors donc que c'est juste oncle, un magazine, tu vois. Ouais, c'est ça son oncle. Ouais. Et ça commence à. Et en fait, la famille rentre petit à petit dans une espèce d'obsession là-dessus. Enfin, je veux dire, faut voir les trucs, mais genre, ils se font des espèces de casques en aluminium. Bah, oui. Mais ça vient de là. L'ubologie. Oui, ça vient de là. Mais oui. Ça vient de là. D'accord. Mais ce que je trouve génial, c'est avec un. Ils inventent des trucs bizarres avec l'ubologie. Enfin, il y a tout un univers là-dessus, mais c'est génial. Justement, ça tourne beaucoup autour de ça. En fait, c'est savoir est-ce qu'ils sont vraiment là ou pas, parce qu'on peut pas les voir, si tu veux. Ouais. Mais ils ont l'impression d'entendre des signaux. Il y a les signes. Enfin bon, il y a plein de signes. Ah, c'est pour ça qu'ils s'appellent signes, du coup. D'accord. Il y a pas que pour ça. Il y a pas que pour ça. On en parlait tout à l'heure. QFD. QFD. Je connais CQFD, mais je sais pas ce que ça veut dire en tête. Ce qu'il fallait démontrer. D'accord. Oh. Je l'aurais oublié, celui-là. C'est sûr. On en discutait justement tout à l'heure avec Galen. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que dans ce scénario, genre, tout est lié. Tu vois, je vais pas te spoiler, mais tu vois, t'as plein de signes qui font que tout à la fin va se relier. Genre, il y a des. J'essaye de pas t'en donner trop, mais oui. Par exemple. Lorsque la femme de Bugs meurt, elle va parler de Meryl et enfin Bugs comprendra jamais pourquoi elle a dit une telle chose. Elle lui disait frappe fort. Et à la fin, c'est lié à quelque chose, il se passe quelque chose et on comprend. Et il y a plein de choses comme ça, genre Beau, par exemple, a une espèce d'obsession en fait à chaque fois qu'elle boit de l'eau. Elle ne veut pas boire de l'eau. Elle boit pour pas vraiment. C'est ça. Je sais plus pourquoi. Depuis que sa mère est décédée, elle veut plus. Donc à chaque fois, il y a des vers partout qui s'entassent dans la maison. Des vers d'eau. Et à la fin, tout a une incidence. Genre même Morgan qui est comment on appelle ça il fait de l'asthme. D'accord. Et même ça, enfin tout est lié. Il y a des signes partout en fait. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que t'as plein de lectures en fait. Et à la fin, tu comprends, tu dis. Ah mais d'accord, mais tout est lié en fait, c'est incroyable. T'as l'impression que c'est un truc complotiste, tu vois. Mais si tout est lié comme ça, tu crois qu'ils l'ont monté, enfin comment dire, ils ont créé l'histoire à l'envers? Je sais pas, mais je pense qu'il y a, en fait, il y a beaucoup de systèmes de rappel pour le coup, dans le sens où en fait, en général dans les films t'as trois actes et encore un truc dont on parlait tout à l'heure. Et dans le premier acte, en fait, tu vas souvent avoir, un élément. Est-ce que t'as vu le film 300 par exemple? Oui. Bon, tu vois le moment où la reine va donner le collier au roi. Oui. Voilà, et dans le troisième acte, donc vers la fin du film, ce collier lui est rendu. Le collier, elle récupère. Tu vois, c'est un peu ce principe-là, en fait. Dans les films, t'as beaucoup ce principe-là de rappel. Tu vois, et du coup, tu comprends à la fin, tu dis, tu fais les liens, en fait. Et ce film, c'est beaucoup ça. Et c'est super intéressant. Pour le coup, à la fin, c'est mind-blowing, quoi. C'est ce qu'on appelle un fusil de Tchekhov. Oui. Voilà. Peux-tu nous expliquer ce que c'est? Tu l'as expliqué, c'est ce qui est dit ou ce qui est montré dans le premier acte doit absolument servir dans le troisième. Donc à un moment au début on filme la batte de baseball, les verres d'eau et la femme de Mel Gibson qui est décédée qui dit ces mots. D'accord. Voilà. En fait tout finit par prendre un sens à la fin en fait, c'est cool. Ça qui est ouf. On finit aussi par voir ces aliens qui finalement... Mais ce qui est super intéressant, c'est que tu le t'envoies une fois. Non, allez, deux fois max. Quoi. En fait, tu les vois presque pas et tu flippes tout le temps. Tu le vois quand même bien la fin. Tu le vois. Il y a une fois où tu le vois vraiment en entier. Dans ce film-là, ils existent pour de vrai. Si ils ont vu, c'est que... Oui, mais. Tu verras. Ouais. Tu peux les voir et pas y croire. C'est pas ça, c'est pas tellement ça. C'est plus pourquoi ils viennent, en fait. Ah, voilà. Alors ça, c'est plus autre chose. Ça qui est intéressant. En soi... Parce que tu sais, moi tu je sais, me pose d'abord la question. C'est pour ça que je dis à la fin, c'est un peu incohérent. Ah. Pourquoi tu trouves ça incohérent? Je peux dire pourquoi ils viennent. Il est sorti quand le film? En 2000. Oh, 2002, remarque. Donc ah, bah peux, ça va, pense. Ouais, vas-y. Ouais. Allez, en fait, spoil. Ils viennent pour l'eau. Attention, alerte. Ils viennent pour l'eau de la terre. Ah, bah il y a plein de choses. Sauf que, hop. Pour l'eau de la terre ils viennent pas moissonner les humains. Ah, ouais, c'est pas la même fin quand même. Non, ils viennent pour l'eau, il me semble. Et en fait, dès que. L'eau touche leur peau, ils se désintègrent. D'accord. Enfin, ça les fait fondre. Mais pourquoi ils viennent enfin, bah, c'est con alors ouais. Je vous laisserai aller regarder la vidéo de Karim Debbache sur Chroma. Ah, ça vous expliquera. Peut-être que j'ai mal lu alors. Mais c'est bête du coup s'ils viennent pour l'eau, si ça les tue. Ouais. Ils viennent pour tuer l'eau peut-être. Non, mais c'est peut-être une réserve. C'est pas du tout la lecture que j'en ai. Moi, le pétrole, je vais pas le boire, tu vois. Oui, je suis d'accord, mais on peut le toucher le pétrole. Jusque là, oui. Ouais. C'est sale, mais c'est pas. D'accord, ça brûle pas un peu, non, je sais pas. Franchement, j'en sais rien, le pétrole but. Non, non, s'il y en a qui siphonnent, à mon avis. Oui, c'est vrai, il y en a qui le fument aussi dans les cigarettes, je crois. Ah non, c'est du goudron. Non, c'est la même chose. Oui, bon, il y a du détergent aussi. Bon. Ouais, c'est très bon le détergent. Il me semble que c'est. Ouais, c'est le pour Pec Citron. Big up pour Pec Citron. C'est dégueulasse. Je kiffe le Pec Citron. Je fais tout avec le Pec Citron. Les spaghettis. Les spaghettis. Oh oui, oh bah oui, les spaghettis au Pec Citron. Enfin bon, même si on vous a spoilé un peu, ce qui est super intéressant avec ce film, donc c'est tous les liens qu'il peut y avoir, mais c'est aussi vraiment le suspense qu'il amène. Parce que je te dis, la créature, on la voit en entier deux fois max, et une fois très brièvement, quoi. C'est même pas qu'elle est bien faite, c'est qu'il y a tellement... Il arrive à amener un suspense avec pas grand-chose, en fait, dans le sens où c'est un peu le principe des films d'horreur, sauf qu'on t'en montre très peu. Oui. Et Shyamalan, il en montre très peu, en fait, et c'est ça qui est ouf, c'est que genre... Si tu regardes aussi, il y a un film que moi j'aime beaucoup, c'est The Visit, qui est aussi un film, film d'horreur, je pense qu'on peut dire. Je sais pas trop, thriller. Tu dirais quoi? Ouais, film d'horreur. Moins de 12 ans. Thriller épouvante. Ouais. En fait, l'histoire, si tu veux, c'est ces deux enfants qui vont aller voir leurs grands-parents qui n'ont jamais vu. Ils vont passer des vacances. Voilà, ils vont passer une semaine avec leurs grands-parents et en fait ils les ont jamais vus puisqu'ils se sont engueulés avec leur mère. D'accord. Et donc ils vont passer une semaine et il y a des choses un peu étranges qui se passent. Enfin, voilà, il y a des choses un peu bizarres qui se passent. La grand-mère, des fois, est un peu étrange. Elle fait des choses bizarres la nuit. Tu vois, il y a des bruits étranges. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Elle est vieille, quoi. C'est chelou quand même. Tu vois, elle fait des bruits bizarres. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et au fur et à mesure, tu comprends ce qui se passe. C'est de plus en plus flippant. C'est pas et pareil, tu vois... En fait, il y a pas de... Comment dire? Tu vois, t'as pas tous ces trucs, genre t'as de tronçonneuse. T'as pas de jumpscare. Si, t'en as une fois, mais encore. Ouais. Bon, et encore. Mais c'est bien. Il y a pas les codes de l'épouvante, mais ça fait quand même un peu l'épouvante. Ouais. C'est pas mal. Mais c'est dans la façon une fois que filmer, tu connais le cinéma de Shyamalan, tu t'attends à un retournement de situation. Tu vois, quand t'as vu Sixième Sens, tu sais... Quand t'as vu le retournement. The Village. The Village est très cool aussi. Ouais. Et même The Visit. Voilà. The Village, ça fait un peu moins peur. The Visit, c'est pas. Enfin, moi qui suis pas trop habitué aux films d'horreur, moi j'ai bien flippé. Ah ouais, j'ai vraiment flippé. Une attente folle. T'es le genre de fille qu'on emmène au cinéma qui a peur. Bah, c'est parfait si tu veux. Effectivement. Je sais pas, oui, les films d'horreur. Non, je suis pas du jeu de genre. Mon dieu, protège-moi. Non, c'est pas ça, mais c'est plus genre. C'est dommage. Je sens le truc venir. Bah putain, voilà, il est venu. Mais chier. Ah bon. Il nous écoute, ton copain d'ailleurs? Je sais pas du tout. Peut-être. Parce qu'on peut lui faire un petit pic. Non, il est au cinéma. Je sais pas. Il fait ton boulot. Peut-être Les Misérables. Il va voir à ta place. Ah, je suis trop déçu en plus. Je devais aller voir Le Mans 66 hier. Le Mans 66. Faut que j'aille le voir aussi. Il est un bon mec. D'accord. N'est-ce pas, Galen? De quoi? Le Mans 66. Oui. Oui, n'est-ce pas? Oui. Je sais pas, je l'ai jamais vu. Par contre, j'ai déjà écouté la musique. Transition, petite transition. C'est magique. C'est toi la transition. Funky Streak de Ojit Box. Je sais pas si vous vous en souvenez. On a déjà passé une fois. Ah bah si, si, je m'en souviens clairement, c'était... Non, je rigole. C'est un remix en plus. Il a... on va, bah, on va peut-être l'écouter. À l'écoute. Peut-être que ça va revenir. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Mais tu un cochon, c'est péché. Ah non, c'est pas le bon. Oh putain, lâche-moi là, oh. Voilà. Ah ouais, lâche-moi là. Ouais, avec le petit accent marseillais. Alors là... Oh putain, là, lâche-moi là, oh. On va pouvoir se lâcher sur les boutons. Là, c'est le grand moment, voilà. Pas forcément qu'on attendait tous, mais c'est le grand moment. Vas-y. Lui, j'y pète la vitrine. Ah, j'y pète la vitrine. Je l'ai pris parce que tu l'aimais bien. Il y en a, ah ouais. J'aime bien, je peux le faire. Là. Ouais, vas-y. Je vais t'exploser le marcassin. Toi, Marguerite, c'est quoi ton préféré? J'aime bien avec le boudin. Non. Tiens, voilà du boudin. Antoine? Moi, c'était... Merde. Brosse dans la lucarne. Ah oui, je te tue mais je t'aime bien. Je te tue mais je t'aime. Moi j'aime bien celle-là aussi. T'es violent mec, je te jure. J'aime bien, après je te laisse parler. Ouais, vas-y. C'est celle-là. Ah oui. Je lègue ma guitare à Obispo. Je précise, le cochon il meurt en fait et il dit cette phrase en mourant. C'est classe. Des phrases qu'il dit. Punchline. Oui. C'est des phrases qui sont dans le jeu. C'est des joueurs qui disaient ça, moi. Non c'est pas du tout des joueurs. C'est trop bien. Faut que je vous explique, en fait. Cochon de guerre. Donc, c'est un jeu de guerre. C'est sorti sur PS1 et PC en 2000. Mm-hmm. C'est un jeu de stratégie au tour par tour, dit jeu d'artillerie. Donc, c'est un peu comme Worms. Tu vois, t'as un ver de terre, il va jouer. Il va tirer Worms, c'est ça. Worms, c'est ver de terre. Donc, là, c'est la même chose, mais avec des cochons. Donc, t'as un cochon, voilà, t'es sur une map. T'as un chrono de... Bah, ça dépend des maps, mais on va dire t'as 90 secondes. Je vois à quoi ils ressemblent, ces cochons. C'est mal fait. C'est à l'époque, hein, donc faudrait être gentil sur les graphistes. Et grosso modo, t'as un cochon. T'as même plusieurs cochons. T'as une armée de cochons. T'en as 3 sur la première map et 3 ennemis. T'arrives. Et en fait, t'as 90 secondes. Tu dois choisir... Enfin, tu dois faire une action. Tu dois te déplacer, ramasser des caisses de vie, des caisses de munitions et tout ça. Et après, faut que tu attaques un cochon. Et donc, tu choisis ton arme. Au début, t'as que des troufions. Donc, ils ont une baïonnette, un fusil et une grenade. Et comment dire, tu choisis ton arme, donc tu prends la plus puissante, la grenade, ça inflige 30 PV, les cochons ennemis ils ont 50, donc voilà, t'es là. Et en fait, au moment où que, déjà quand tu commences ton tour, le cochon il dit une petite parole, et quand t'as choisi ta grenade et que tu vas la lancer, hop, tu as une barre de jauge, parce que la grenade c'est plus tu lances puissant, enfin plus ta jauge elle avance, plus ça sera lancé loin. Et au moment où que tu lâches, il va dire une parole, ou alors au moment où que t'as un fusil, au moment où que tu tires, il va dire une parole. Du type, voilà, là tu te prépares, tu tires. Lui, j'y pète la vitrine. Pan ! Le coup, il part. Ce jeu est génial pour ça. Pour ses répliques. Franchement, pour moi, dans ma famille, il est juste culte, enfin mythique. Ma sœur, tu lui parles cochon de guerre, c'est tout de suite de genre quoi je parle. Genre, vous balancez les répliques comme ça à table. Ah bah, moi, oui. Il y a une réplique que j'utilise souvent, que je sais pas si vous avez déjà entendu ou fait gaffe. Quelle connerie la guerre ? Ça vient de ce jeu-là. Quelle connerie la guerre ? Quelle connerie ? Ouais. Parce que c'est des cochons. Quannerie, ok. Exactement. Il y a une que j'aime bien qu'on a pas mis, c'est dommage, c'est sans une arme russe, genre. Oui. Est-ce que c'est un jeu qui s'est répandu aux 4 groins du monde? Oh, magnifique! Je prends. Allez, t'es belle. Vas-y. Bon, pour rattraper ça, je tiens juste à dire. T'es violent, mec, je te jure! Merci. Merci. Je tiens juste à dire que j'aime beaucoup leur affiche. Ouais. Parce que c'est la même que Full Metal Jacket. Okay. Exactement. Ouais. L'affiche, c'est une reprise de Full J'adore. Metal Jacket. Enfin, c'est une parodie. Enfin, c'est une parodie. Et il y a marqué comme tu peux le voir, Gorn. En fait, il y a marqué, je suis né pour tuer. Les paroles. Born to grill. Il y a marqué. Born to grill. Voilà, c'est différent. Okay. Voilà, au lieu de Born to kill, c'est Born to grill. Born to grill. Voilà. J'aime bien. Avec, avec les sauces ketchup. Avec les sauces ketchup. Voilà. J'adore. Et du coup, tu vois sur l'affiche que le doublage a été fait avec des voix de Yves Lecoq, qui est un imitateur, je crois. Et les guignols de l'info. Jack Chirac. Ah bah voilà. Et les guignols de l'info, donc du coup les paroles, oh la vache. Ah, trop bien. T'as plusieurs armées, t'as plusieurs armées de nationalité de cochons, tu vois, t'as les ports francs, donc nous la France, voilà. Dans les Français, t'as un Marseillais, t'as un jeune de cité, donc ça donne des paroles vachement cool. Enfin, est-ce que je l'ai le... Ah bah tiens, j'ai le jeune de cité. Mais tu un cochon, c'est péché. Parce que il est religieux, ce cochon. Ah, d'accord, okay. Voilà. Et du coup, c'est assez drôle vu que c'est un jeu de cochon. Ah bah, t'en rappelles-nous, ça date de quand? Ça date des années 2000. Ah ouais. C'est pas si vieux que ça. Voilà. C'est pas si vieux que ça. Non. C'est à nos âges. Mais bon, voilà, c'est quand même ça a quand même du rétro gaming. Tu m'as fait écouter un truc sur des cochons chinois. Oui. Ouais. Il y a les cochons chinois ou japonais, ça dépend. Ils sont en jaune. T'en as un, il dit force jaune. Pow, il tire. Force rouge, force verte avec des petits points roses. n'importe quoi. Ah, ça a l'air trop bien. J'ai pris deux doigts pour cliquer là. Oui, voilà. T'en as un, il est photographe. Enfin, photographe dans ses paroles, on va dire. D'accord. Donc, il dit je vais prendre une photo de tes boyaux. Et il tire. c'est que des trucs comme ça, mais c'est génial. Juste pour ça, déjà, j'ai postillonné sur mon micro, je l'ai vu. Génial. Ouais. Je vais faire un petit synopsis. Est-ce que j'en ai un dégueulasse? Steak! Crève! Non. Vache folle! Voilà, ça passe avec steak. Ça passe avec steak. pour le scénario, en fait, tu commences, tu vois, t'as une petite vidéo d'intro qui est assez sympathique. T'as un mec qui t'explique, en gros, on va se battre en Puritanie contre les autres races. Donc t'as les Port-Francs, qui sont les Français, t'as la Port-Force qui est les Royaumes-Unis, t'as les G.I.-Port qui sont les États-Unis, t'as les Banzai-Port qui sont le Japon, t'as la Port-Corps qui est l'Allemagne, t'as les Spartak-Port qui sont la Russie, et c'est tout. Mais c'est déjà c'est pas mal. Mal déjà. C'est déjà pas mal, mais j'adore les noms. Banzai-Port, what Banzai-Port, Banzai, et ils foncent dessus. Mais c'est pas du tout cliché. Non, mais, oh, mais c'est trop pas. Dans le cliché. Ouais. Et puis ils clashent, comme vous avez vu, Pascal Obispo, là... Je lègue ma guitare à Obispo. Il n'en clash pas comme ça, il y a du Anne Roumanoff. Ah. Ça fait plaisir. Ça, c'est, mais cool. c'est gentiment, évidemment. Mais ils mettent en valeur, par contre, la France. Ça, ils mettent en valeur la les France. Valeurs. Et puis... ouais, c'est ça. Ah bah ouais. Ils parlent de SNIC, ils parlent de tout ça. Ah, j'ai pas ma carte sécu. Avant de tirer. T'es français ou pas? Non. Ah. Non, ah bah non, tu peux. Tu commences l'histoire, tu peux être n'importe quel cochon, ça n'a aucune incidence sur. Ok, c'est juste que t'as des cochons différents. Tu sais, il y en a, ils sont en bleu, d'autres en noir, voilà, c'est tout. Mais ça change strictement rien. Ouais, les Anglais sont vraiment mal, ils sont pas mal aussi. Ouais, ouais, ouais. Je délègue ma Austin à je sais pas qui. C'est ça. c'est trop bon. Au Rolling Stone. Donc voilà, tu choisis une des races et tu vas te battre en Puritanie. C'est 5-6 îles. Ouais. Tu commences par Portland, après t'as Tree City, t'as plein d'autres. Voilà. Et sur chaque île, en fait, t'as plusieurs combats à faire. T'en as 5 ou 6. Et tu affrontes des ports ennemis, évidemment. Logique. Au début, c'est du 3 contre 3, c'est égal. Ouais. Et plus t'avances dans le jeu, plus c'est difficile, plus c'est pas égal. Ouais. Tes cochons, tu peux les promouvoir à la fin de chaque manche. À la fin de. Comment dire chaque map, tu vois, t'as 6 combats sur Portland. Ouais. À la fin du premier combat, tu gagnes des médailles. Ok. Selon le nombre de cochons qui te restent en vie, selon si t'as réussi la mission ou pas. Bah, si tu perds, généralement, voilà, tu recommences. Mais voilà. Et des fois, il y a des médailles que tu peux obtenir dans le jeu si tu marches dessus, en fait. Enfin, sont physiquement là, les médailles dans la partie. En gros, t'as un petit point sur la map. Si tu y vas, paf, ça te ramasse une médaille. Ah! Et après, t'as des objectifs type détruire un tank ou détruire un. Oui, genre, t'as des trucs en plus. Des objectifs. Voilà, c'est ça pour avoir des missions, des médailles supplémentaires. Okay. Et les médailles, elles servent à promouvoir tes cochons pour pouvoir passer à un stade supérieur. Parce qu'au début, une baïonnette, un fusil et 3 grenades, tu vas pas aller loin. Tu fais 30 dégâts maximum. Tu peux les promouvoir en tant que sapeur, donc ça va être un expert en explosifs, en engins, en TNT et tout ça. T'as le sniper. Donc lui, il va être spécialisé dans tout ce qui est fusil de très loin et tout ça. T'en as d'autres, je sais plus. J'ai oublié, j'aurais dû les écrire. Mais bon, t'as le tout. Ouais. Puis après, ils évoluent de plus en plus et deviennent vachement forts. Mais l'adversaire a toujours plus de cochons que toi ou plus de promotion. Et à chaque fois, tu dois t'en sortir comme tu peux. Ok. Tout en évitant de te marrer comme une grosse baleine en écoutant les répliques. En sachant aussi que t'as des mines dans le jeu. Ah, c'est horrible. T'as des maps, c'est que des mines partout. Tu dois juste te déplacer sur quelques... C'est un labyrinthe, en fait. Et le labyrinthe, c'est là où tu dois marcher. Ouais. Et si tu marches à côté, en fait, bah, c'est pas que t'as pas de mur, c'est juste que t'as du sol, mais avec une mine. Mais toi, tu le vois pas. Du coup, t'es là comme un connard. T'avances à tâtons, voilà, t'essayes. Et si tu prends une mine, bah, alors je me rappelle, sur cette map, tu te prends une mine, tu meurs. Parce que tu prends une mine, ça va te faire sauter ton cochon. Il va retomber sur une mine généralement, il va retomber sur une autre mine, il va retomber et ainsi de suite. Déjà, d'où il ne meurt pas dès la première mine, c'est quand même. Ouais. Parce qu'ils ont des PV. Ah. Ah. Ils ont des PV, les mines ça enlève un certain nombre de PV. Oui, des PV, oui. Ouais, c'est cool. Genre par exemple, la grenade au tout début, si tu lances bien comme il faut sur le cochon adversaire, ça va lui enlever 30. Si tu l'envoies un peu trop loin et que tu l'as fait exploser, parce que c'est toi qui décides quand elle explose, ça va affliger 25. Parce que si tu mourais tout de suite, ça serait chiant. Franchement, ouais. Le mec, t'aurais des snipers, ça tire jusqu'à l'autre bout de la map, fini. Enfin, donc. Dead. C'est ça. Donc, c'était les plans de carrière, ça, pour tes cochons. Ah bah si, je l'avais écrit, je suis con. C'est pas ma culture. Ah bah ouais. Tu peux devenir artilleur, donc. spécialiste de l'artillerie lourde. Ouais. Ça paraît logique. Soit, ouais. Tu peux devenir ingénieur et spécialisé dans les explosifs et capable de voir les portions de terrain minées. Ah. Tu peux devenir espion, donc spécialisé avec le fusil sniper et tout ça. Et le toubib, capable de soigner les autres cochons. Voilà. Ok. Donc avec Jolan, on a fait une petite, vous en avez déjà entendu pas mal, ouais. Une petite sélection de paroles du jeu. Vous allez dire ce que vous en pensez. Antoine, tu vas me donner un chiffre entre 1 et 14. 13. Je lègue ma guitare à Obispo. Marguerite. Entre 1 et 14, ouais. 2. 15% sur les cercueils. Gaëlan, un chiffre entre 1, mais pas 1. 8. Tiens, mouille le maillot. Ça, c'est le port français marseillais. Il en a une autre, d'ailleurs. Brossé dans la lucarne. Ah, il y a lui aussi de Marseille. Oh, pitié, lâche-moi, là, oh. Jolan, on a dit quoi, 8, 3. Tiens, voilà du boulin. Voilà, on va faire... Ouais. Crève, vache folle. Il y a ça. Je vais aussi t'exploser le marcassin. Voilà. Il y a ça aussi. Oh, je revois toutes mes bières. Ça, c'est quand il est en train de mourir. Ton cochon vient de mourir ou le cochon adversaire vient de mourir et du coup, il dit cette parole-là. Ah, j'adore. Non, ça, Oh, pitié, lâche-moi, là, oh. Ça, on l'a déjà dit. T'es violent, mec, je te jure. Ça, on l'a entendu déjà dans l'émission. Je te tue, mais je t'aime. celle-là, on l'a pas écrit. Y'a pas écrit Soldat Ryan, là. C'est qui dit ça? Mais tu es un cochon, c'est péché. C'est un cochon français. C'est un cochon français. Oui. Là, toutes les voix qu'on a, c'est des cochons français. Parce que. Dans quelles circonstances il dit ça? Genre pour le soldat Ryan? Pour le soldat Ryan? Oui. Y a pas écrit Soldat Ryan là. Quand il tire ou alors quand tu commences ton tour. Ok. C'est aussi simple que ça. C'est pas quand il meurt. En fait, il y a, on va dire trois, trois manières de parler différentes. T'as quand il commence le tour. Donc il peut dire moi, enfin, elle est très courte celle-là justement, moi, enfin pourquoi moi, ouais. Voilà. Après t'as le moment où il va tirer, donc tiens il peut dire oui, ça. J'y pète les vitrines. Voilà, okay. J'imagine trop dans ma tête le coup de fusil qui part, c'est excellent, c'est mythique. Toi tu t'es prêté juste à tirer et t'as le cochon qui te dit ça. Oui, j'y pète les vitrines. Je sais pas, t'es obligé d'avoir le sourire quand tu joues à ça, c'est obligé. Puis après, t'as le moment où quand tu meurs, quand tes cochons meurent ou quand un cochon adverse meurt, oh, il va dire un truc comme ça. Je revois toutes mes bières. Voilà. Et là, tu le vois tomber et ils explosent pas, mais ils disparaissent. D'accord. Parce que, évidemment, c'est un jeu assez ouvert. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas tout ça. C'est un jeu vachement mignon et franchement, ouais. Rien que pour ces putains de paroles. Oh, ça vaut le coup d'aller voir, d'aller jeter un œil. S'il est sur PC, je vais essayer de le choper. En vrai. Ah bah ouais. Pour vous dire, ma sœur s'est rachetée une PS1. Elle est geek, mais sans le troll lettre non plus. Bon, elle était à bonne école avec moi et mon frère, mais... elle joue pas trop non plus. C'est pas une ouf dans sa tête, mais... Elle a racheté une PS1 pour faire du rétro gaming sur Cochon de Guerre. Quand même. Ah, faut y aller. Faut y aller quand même. Faut aimer le jeu. Hein. Ouais. Donc... Je dois vous avouer que s'il y a un jeu en rétro gaming que je vous conseille, c'est lui direct. Il n'y en a pas 36, c'est lui. Ok. Voilà. Donc ça, c'était pour Cochon de Guerre. D'accord. Donc, je sais pas ce qu'on peut dire. Donc ça a l'air très... Oh putain, très lâche-moi là, oh. Ça a l'air drôle, ouais. Calme-toi, ouais. Donc, je sais pas. Oh, peut-être qu'un jour, on sera une soirée. Si j'arrive à le rechoper. Pourquoi pas, ouais. Je vais essayer de le craquer. Oui, je veux bien ça. T'essaieras de le retrouver. Ça fait des bonnes barres. Ah bah ouais, je te confirme. Mais moi, sans quen. Sans quen. À toi, tu seras à ça. Mais tu es un cochon, c'est péché. Et là, il tire sur quelqu'un. Ah ok. C'est assez fun. Je m'en rappelle tellement. C'est comme il y en a un anglais qui dit je roule à gauche et je t'emmerde. Et il tire. Non, on dirait Cartman, je vous emmerde et je rentre à ma maison. C'est un peu ça. C'est vrai. Voilà, voilà. Ça, c'était pour la partie jeu cochon de guerre. Voilà. Maintenant, on va parler des actus. Ouais. Allez. Ah. Yeah. Les actus. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, on a tous un petit peu d'actus, sauf peut-être moi et Antoine. Moi, à part Pokémon, mais j'ai déjà dit en début. Pokémon bouclier épée, je peux quand même vous en parler. J'ai joué à bouclier et là, j'ai quasiment fini. Non. Je rigole, vas-y. Mais oui. Et franchement. Mais allez. Pour un, je m'attendais pas à des miracles pour avoir joué au jeu d'avant qui s'appelle Alola. Enfin, la carte s'appelait Alola. C'était sur des îles avec des doyens et tout ça. C'est pas le même concept que les autres Pokémon. Et je dois vous avouer que j'avais pas du tout aimé. Ah. Ça m'avait presque dégoûté de Pokémon la 7ème génération. Ouais. J'ai pas du tout kiffé mon moment pour ça. Merde. J'ai presque regretté d'avoir acheté le jeu. Oui. Alors que là, je me suis dit. J'achète bouclier épée. J'espère qu'ils ont fait mieux parce que putain. Mais bon, j'avais pas trop non plus. J'y allais pas non plus à fond. Je l'ai acheté au final. Ouais, ils m'ont bien bluffé. Comment dire, ils ont réussi à faire des choses innovantes sans pour autant trop perdre ce qu'on avait d'avant. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs de Pokémon qui veulent trop les premières générations et deuxième génération et tout ça. Ils disent, ah, il y a que ça qui sont les meilleurs et tout ça. C'est vrai, mais il faut que ça évolue au bout d'un moment. Parce que si tu fais toujours le même truc tout le temps, c'est chiant. Il faut des nouveaux Pokémon, il faut des nouveaux trucs, il faut des nouveaux concepts. À petite dose et puis de manière bien faite. Et là, dans ce jeu-là, ils ont fait des trucs vachement cool. Par contre, le jeu est beaucoup trop court. Beaucoup trop court. Je sais pas combien d'heures j'ai dessus, mais je dois avoir 60, 70, un truc du genre. Ça m'a fait une semaine. Donc, ouais. Bonne semaine de boulot, quoi. Je précise que je suis en vacances, donc j'ai le droit de me. J'ai le droit de faire des nuits blanches. Tu fais ce que tu veux de ta vie. On peut se laisser aller. Hein. Voilà, c'est ça. Et ils ont pas mis beaucoup de Pokémon sur le coup, parce que des Pokémon, il y en a plus de 1000. Enfin, à peu près, approximativement. Ils ont mis que 400. Dont les nouveaux, donc ça fait un peu juste, hein, ça manque de matière. Mais le concept de la ligue et tout ça, c'est génial. Ils m'ont même bluffé sur certains trucs, parce que normalement, dans ce genre de jeu, t'arrives à voir comment ça va se terminer, comment ça va se passer, qui tu vas affronter à la fin, comment les méchants, les Team Rocket, généralement, des jeux, t'arrives à voir pourquoi ils sont méchants, puis qu'est-ce qu'ils vont faire à la fin, qui tu vas affronter. Et ben là, ils ont réussi à me bluffer quand même. Alors c'est pas rien quand même, parce que c'est un jeu pour enfants, donc normalement on devrait comprendre. Alors c'est soit je suis très con, mais je pense pas quand même, je vous interdis de dire hop. T'es violent mec, je te jure. Si vous dites quelque chose, c'est on ça. On a rien dit. Ouais mais vous l'avez tellement pensé fort. Ah non, c'est ça que j'aurais dû mettre. Oh putain, lâche-moi là. Oh. Voilà. au final j'ai été agréablement surpris. Je suis plutôt content d'avoir joué à ce jeu, même s'il est court. Mec. Autre actu. Allez. Qui continue. Vas-y, Mathilde, je t'en prie. Alors, c'est pas vraiment une actu, mais j'ai découvert un documentaire il y a pas longtemps qui m'a... Man vs. Wild. Non. Non, est-ce que tu as vu Dune ? Non. Est-ce que tu connais un minimum les livres ou pas ? Les Chroniques de la Tour. C'est Franck Herbert. La Guerre des Clans. C'est Franck Herbert. Voilà. Alors, donc... En fait, pour t'expliquer, donc c'est une suite de livres, donc c'est de la science-fiction. Ouais. Mon copain est complètement fan, alors je suis un peu immergé dedans. Ah, faudra qu'on parle. faudrait qu'il vienne un jour sur un PK Avenger. Ah, ouais. Ouais, bah oui, carrément. On fera une spéciale Dune. Il y a quoi en fait ? Spéciale Fincher. Spéciale Dune, carrément ? C'est ça. Non, attends, c'est... Franchement, on peut. Non, parce c'est qu'il y a tous les livres. Attends, oui, mais il y a tous les livres. Est-ce qu'il y a des jeux ? Est-ce qu'il y a des trucs... Des jeux, je pense qu'il doit y en avoir. Parce que pour pouvoir faire une spéciale, il faut qu'il y ait un peu de. Mais je pense qu'il y en a. Faut regarder, mais je pense qu'il y en a. On va faire un petit point de rappel pour le coup, avant que tu te voilà, j'en profite. Bah, tant qu'il y a appelé un spécialiste. Ouais, bah. Pourquoi pas, mais grosso modo, le 5, il y a la spéciale Toulouse. Oui. Donc là, on va parler de l'univers Toulouse. Et donc là, il y a des jeux, il y a tout ça. Donc là, c'est pour ça qu'on peut se partager les tâches. Pour le coup, il y a pas mal de. Moi, je pourrais pas parler du film que j'ai prévu ou pas. T'as prévu quoi la semaine prochaine ? Ouais. C'est pas dans l'univers Toulouse ? Non, malheureusement. Il y a des films dans l'univers Toulouse ? Non. Il y a des films. Il y a The Void dont on m'a parlé. On m'a parlé de plusieurs films, après le Léviathan. Parce que je vous cache pas que ce serait bien qu'on. Bah, je vais essayer de voir The Void pour présenter. Si t'as pas le choix, on présentera ce que t'as présenté. Mais bon, au moins, on aura une bonne partie de l'émission qui sera déjà en mode Toulouse. C'est vraiment un film que j'adore. C'est comme aussi. Alors. Ah, c'est une surprise, hein. on arrive à Noël, ça sera un cadeau. Ah. Certains membres de l'équipe ne sont pas au courant encore, il y aura aussi la spéciale Noël. Noël. Je sais ce que je vais présenter. Ça sera le jeudi 19. Oui. Voilà, enfin, comme vrai. Ça vous notez-le dans votre agenda, jeudi 19, spéciale Noël de Peck Avenger. Oui, mais j'ai déjà prévu un film. C'est vrai ? Oui. Parfait. Un film spécial. Parce que ça va arriver vite. Là, le 5, c'est la semaine prochaine pour le coup, on a la spéciale Toulouse. Ouais. La spéciale Halloween, ça va être la. Ça va être l'année prochaine. Non, la spéciale Harry Potter, je voulais dire. Ah oui. Ça va être l'année prochaine, du coup. Okay. En sachant qu'aussi, ça, on vous l'a pas dit, mais Indestar fermera ses portes. Ses portes. Il y aura plus d'émissions à partir de, je sais plus, je crois du 21 au 22. Bah après la spéciale des 10 ans. 21 ou 22 quoi. Décembre. Ah oui. On sera fermé pendant les fêtes, grosso modo. Ouais. Parce qu'on a pas tous le droit d'avoir des vacances. Il y aura pas de 26. Ah. Voilà. Parce que j'avais prévu un film le 26, mais d'accord. Y a pas de 26. Dommage. Merde. Bah on pourra le faire au début de janvier. Ouais. On n'aura pas le choix, de toute façon. Je vais peut-être changer le deux films, alors. D'accord. Pour le 19. Pas de problème, pas de problème. Et pour le 19, bah, c'est la spéciale Noël, du coup. Donc là, il va falloir... Ouais, bon, alors là, ouais, je vais prendre ce là, c'est facile, je pense, pour les films. Pour les jeux, voilà. C'est un peu plus dur. Là, ça va. Manga, je sais ce que je vais présenter, mais... J'ai découvert qu'il y avait un jeu qui avait été fait à partir de... Comment ça s'appelle ? Bah, le film d'Halloween là, que j'avais présenté, The Nightmare Before Christmas. Il y a un jeu vidéo là-dessus. Il y a un jeu vidéo. Bah, t'es une espèce de, t'es une espèce de lutin, on va dire, et tu dois sauver Noël. Enfin bon, ça a l'air assez drôle. Ça a l'air très perché. C'est un jeu PC. Ouais, je sais pas du tout. J'ai vu, je t'enverrai le lien, mais j'ai vu. Ah oui, j'avais vu un truc comme ça. Enfin, parce que si ça a l'air très drôle. Si c'est un jeu PC, on a Antoine qui peut être bon là-dedans. Non. Je sais pas du tout. PC, moi j'ai pas de PC. Moi. Ah oui, c'est vrai. Putain. Je dois en faire un, mais ça va me coûter 900 euros. Ah oui. Soit. Mais tu peux pas jouer une Destin. non, c'est pas grave. Du coup, on aura Jolan, t'espères, en PC. Ouais. Alors, on verra bien ce qu'il présentera. S'il y a peut-être déjà quelque chose de prévu, je sais pas. Donc pour l'instant, on va pas trop en dire sur la spéciale Noël. Ouais. Donc, Je tease des émissions quand même, au cas où, voilà. C'est comme la spéciale les 10 ans de la radio. Oui. Le 21, je pense que maintenant, on l'a lancé en début de semaine, je crois. Le 21 décembre, il y aura les 10 ans de la radio. On va les faire de 14h à minuit. Donc ça va être une grosse émission de 10 ans. On a une magnifique affiche derrière moi, apparemment. Oui, effectivement, si vous la voyez à la radio. On la voit. Oh, oui, on voit un beau 10. Elle est flash. Elle est blanche, elle est flash. Superbe. Et en plus, dessiné à la main par notre cher Théo, les bougies et le nœud. C'est pas mal. Il se débrouille bien, moi j'aime bien. Ah ouais. Il les a scannés, et puis voilà. Donc voilà. Donc venez nombreux. Nombreuses. Ouais, voilà. Je suis célibataire. Écriture inclusive. Guélan est célibataire, il prend tout. Ouais, moi aussi. Le ticket resto, tout ça, je prends tout. Voilà. Et non, mais pour vous amuser au moins, pour participer au jeu et pour gagner des cadeaux aussi. Ouais. On en aura pas mal. Mmh. Et ouais. J'espère que ce sera pas ceux de Manga sur Loire. Ça sera pas ceux de Manga sur Loire. Sur Manga sur Loire, on avait deux petits citrons pois. Ouais, arrête, la meuf, elle était super contente. Elle était super contente. On avait des espèces de sablières en forme de poivrons. Une poivrière et une salière. C'est ça. Il y avait du poivre dedans. Et voilà. Des citrons. Enfin bon, c'était ça, voilà. Et la meuf, je lui ai dit, excuse-moi, c'était des petits cadeaux, voilà, on est petite radio. Et la meuf, elle était super contente quand même. Non, c'est super cool et tout. Bon, ok, pas soit, de soucis. Pas cool. Il y en a qui en ont pas ok. Ouais. Alors faut s'estimer heureux. Un jour clair. T'auras une poivrière, une sablière en forme de citron. Ouais, c'est mon but dans la vie. C'est ça. Enfin bon, du coup j'ai même pas dit l'actu. En fait. Non, tu peux pour le coup. Oh, bah non, bah, tant pis, c'est à moi. Alors. Ah, bon, je ne te permets pas. Attends. Celle que tu veux. T'es violent, mec, je te jure. Je te jure. Je te tue, mais je t'aime. C'est trop ça. Je t'aime, enfin bon, je finis vite l'actu pour que tu puisses reprendre Gaëlle. Oui, en gros, je savais pas du tout. Tiens, mouille le maillot. C'est exactement ça. Genre, en fait, Jodorowsky, qui est un réalisateur, il a fait des trucs un peu barrés, voulait faire un Dune, et pendant plusieurs années, en fait, ils ont travaillé dessus. Genre, je t'ai vu, t'as dit. T'as dit, il y a des problèmes avec son micro. Je m'amuse tellement avec ça, putain. Et genre, il y a. C'est pas possible. Et je suis plus rapide que lui. En fait, ils ont gardé deux versions du storyboard qu'il avait fait. Non, mais vous. Non, pardon, mais, pardon. Vous êtes sérieux? En fait, il a gardé. Ouais, genre. Il a gardé. Le film n'a pas pu se faire, malheureusement, parce que c'était trop. En fait, à cette époque-là, genre. Trop ambitieux. C'était trop ambitieux. 15 millions en dollars à ce moment-là, c'était très cher. Et même 15 millions, ça suffisait. Ça suffisait pas. Et même, ça suffisait pas. Ils avaient peur des dépassements de budget. Genre, parce que tu aurais vu le storyboard, il était comme ça. Il était extrêmement épais. Il n'y en a que plus que voilà. Deux. Il n'y a plus que deux volumes maintenant. Et ça aurait été assez exceptionnel. Genre, ils montrent tout le travail en amont qu'ils avaient fait sur les dessins, sur les costumes. Mais il y aurait eu Pink Floyd, par exemple, qui aurait été à la musique. Il y aurait eu Dali, qui aurait joué l'empereur. De quoi ? Ils sont morts. Bah oui, mais non, ça date. Le Dune, il date un peu. C'est dans les années 70. Ouais, et ça parle de quoi l'histoire, vite fait Vite fait. C'est pour le coup, bon, c'est un gros. Je me souviens plus vraiment des noms, donc j'ai peur de dire des bêtises. Mais en gros, c'est sur une plaine. C'est sur. En fait, c'est tu vois ce qu'on appelle c'est l'épice. C'est de la. Ouais, pour le coup, c'est de la SF. Ah ouais, c'est pour c'est ça vraiment que ça de la coûte SF, cher. Pur et dur. La SF, ça coûte toujours plus cher. Hein. Et en plus, à cette époque-là, la SF, c'était pas. Enfin, c'était que c'était les séries B, c'était genre de trucs. Ah, donc oui. C'était très Doctor peu développé. Donc 15 millions, c'était beaucoup. À cette époque-là. Ouais, ça date des années 60. Ah ouais, c'est la plus vieille série SF du monde. Devant, il y a Le Feu de l'amour. Ou Amour, gloire et beauté, je sais plus, l'un des deux. Ah ouais, non, et puis. Trop connaisseur pour ça. Aurait été, mais vraiment, si ce film. Je suis tellement déçu que ce film ait pas été fait. Mmh. Genre, et... si tu vois le travail préparatoire qu'ils ont fait, mais. Oh, truc je crois ouf, qu'on peut s'avancer pour en dire que je crois qu'on aura la chance de le rencontrer. Tu crois? Ouais, bah ouais. C'est ce qu'on a cru comprendre. Non seulement à l'ESCAT ils ont des places de cinéma moins chères, mais en plus on rencontre des gens intéressants. On a rencontré Xavier Jean, c'était super intéressant pour le coup. Trop cool. J'étais pas fan de ces films et après tu m'as expliqué. Ah bah du coup, fan du gars. Ah et puis super. Enfin, pas du tout autant. Tu vois, super accessible. Ça, franchement, ça fait du bien quoi. Ouais, je te prends en stagiaire. Ouais. Bah écoute, pas grosse tête, accessible. C'est cool, bah, c'est, il a commencé comme vous et pour le coup, pour ça peut-être. Sans école de cinéma. Celui qui m'a surpris aussi, qui était vraiment dans cet esprit-là, c'est, je sais plus lequel c'était, mais l'un des réalisateurs de Un homme et Intouchable. C'était lequel qu'on avait vu. Ah oui, tu m'en avais parlé. Eric Toledano. Ouais, ah mais super sympa, pareil, très très accessible. Puis quand j'avais été lui parler, il m'avait dit, mais enfin, j'ai commencé comme vous, donc il n'y a pas de raison que vous réussissiez pas quoi. Genre, j'étais en mode. Bah ouais, trop sympa. Ok. Très humain. Ouais. Tu prends, mais. Très cool. D'accord. Voilà, donc en gros pour ce Dune, il y a une série qui va être faite. Je sais que tu attends. Trop la pression. En vrai, est-ce que tu as envie de voir la série, toi, Galen? Parce qu'il y a une série qui va être faite. La série. Dune. J'étais pas au courant. T'étais pas au courant? Non, mais oui, en tout cas. Brossé dans la lucarne. Ouais. Balayette. On ne sait pas pourquoi. Petite balayette. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, je te laisse la parole, Gaël. Merci. Je t'en prie. Ça va aller rapidement. Alors, vous connaissez Dernier Train pour Busan. Ils annoncent une suite. Voilà, 12 août 2020. D'accord. Il va y avoir une suite. Ouais. Ensuite, Nicolas Bedos, il met une photo du tournage du OSS 117-3. Ouais. On voit le réalisateur Bedos et Jean Dujardin. Il sera toujours là. Marin. Il est vieux maintenant, non? Ouais. Qui ça? Jean Dujardin. Oui, il a pris un coup de vieux de ouf. Bah, hein. Je sais pas, la cinquantaine. Ah ouais, ça fait vieux quand même. Bien. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, les acteurs, ils vont jusqu'à 70-80, hein, facile. Ah, regarde Clint Eastwood, il y a 90 ans. Justement, faut arrêter au bout d'un moment, faut se reposer, profiter de la retraite. Il réalise toujours des films. Ouais. Et puis là, j'ai vu tout à l'heure que la Cinémathèque française organise une grande rétrospective sur l'œuvre d'Hitchcock. Donc. Laquelle? De quoi? Bah, je sais pas. La Cinémathèque française de Paris. Oui, je suis d'accord, mais Love Hitchcock, c'est quoi? Ah, bah, c'est tous ses films. Genre Vertigo, Psychose, Les Oiseaux, La Corde. Putain, j'en connais aucun. Enfin, quoi d'autre? Il y a Rebecca. Ouais. Enfin, voilà, ce jeu. Tous ces films. Je ne connais pas un seul. Je connais le nom Hitchcock, mais pas. À partir de demain jusqu'au 19 janvier 2020, on peut y aller. D'accord. Trop bien. Voilà. C'est cool. C'est cool. Ouais, j'aimerais y aller. Ah bah pareil. En faisant partie de l'escalade, c'est facile. Ouais. Isabelle, Antoine, tu peux me payer mon billet de train, s'il te plaît. Voilà. T'as un truc à dire, Antoine? Non. Comme d'hab. Trop de violence. Vas-y, je vais te dire ça. Ça, c'est ça que tu voulais dire. C'est balancé. Fail. Non, c'est oh putain, lâche-moi là. Oh. C'est ça que tu voulais ouais, dire. C'est ça. Presque. Viens, voilà du boulin. Oh putain, lâche-moi. Donc là, c'est la Jolane. Jolane, t'as peut-être quelque chose. Ouais. Crève, vache folle. Ok, bah, demain, enfin, jeudi prochain. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, du coup, alors, merci de nous avoir écoutés. Et comme l'année 2020 approche, il y a des nouveautés qui arrivent forcément. Bah logique. Il y a la suite de Assassin's Creed qui arrive, de Odyssey Ragnarok. Je sais pas si tu. C'est Origine le dernier, je crois, qui est sorti. Non, c'est Odyssey. C'est Odyssey. Ouais. Enfin, je me rappelle plus trop. Je pense c'est Ismaël qui est un peu fan de. Un petit peu. Ouais. Il doit l'attendre avec impatience. Ouais. Mon frère aussi qui est fan. Donc voilà. Il est confirmé, il sort début automne 2020. Ouais. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Il n'y a pas de date précise, mais il sort en automne 2020. D'accord. Donc, un petit peu de patience pour les fans. Pour les gamers. Qu'est-ce que t'as encore en jeu? C'est tout. C'est tout. Moi, j'en ai une aussi. Ça vient de me revenir. Normalement, alors c'est soit fin de cette année, soit début de l'année prochaine. Il y a la cible de Subnautica. Je vous en avais parlé dans les débuts de PK Avenger. Il y a la suite. Oui, qui s'appelle Below Zero. En gros, tu incarneras une fille. Donc, mais qui aura atterri sur la même planète grâce au même crash que dans la première histoire. Mais tu atterriras de plus dans ce qu'on va appeler le pôle Nord, hein, grosso modo pour nous. Il y aura de la glace, donc il y aura un peu plus de terre et tout. Ça peut être cool. Below Zero. Si je me trompe pas, c'est soit fin d'année, soit début d'année prochaine. Ouais, ça va être chouette. Ouais, oh bah, je l'attends tellement. Vous allez plus me voir pendant un moment, comme Pokémon. Je crois que j'ai mal ici, je crois que c'est à cause d'avoir trop joué à Pokémon. Je sais même pas comment sors, c'est possible. Teddy n'a plus de vie. Bah. Ça s'est vu tout de suite dans Pokémon. Moi, je sais, la seule info que j'ai, c'est la PS5, quoi, c'est tout. Ah bah, la PS5, on a des images, effectivement. C'est comme la Xbox aussi, la Xbox Scarlett aussi. Elle sort automne 2020. On l'avait teasé Ouais. Tu suis pas nos émissions. Ah si, je sais, mais c'est la seule. Il participe, mais il suit pas. C'est la seule info que je connais, moi. Bah, il parle d'autres gens. T'as vu son design? Ouais, ah, j'aime pas. Apparemment, ouais, c'est pas officiel. C'est pas officiel, effectivement, mais bon, ça a l'air d'être bien engagé quand même. Enfin, même les manettes, elles sont. On verra bien, ils vont peut-être changer entre temps, mais pour l'instant, ça ressemble à un espèce de U de skater. Enfin. Ça me fait penser à ça, un truc de skate. Je suis sûr que tu l'as fait tomber le truc qui se pète en deux. Ouais. Bah, tu fais jamais tomber une console de base. J'ai demandé ça à mon père, toi. Comment vous faites pour faire ça? Parce que les animaux, ou alors elle est pas bien. J'ai une Xbox 360, elle est sortie quand elle est sortie, j'ai jamais eu de problème. C'est vrai qu'elle est sortie quand elle est sortie. Ah ouais. Je l'ai. Waouh. J'ai la 360, et en fait, un jour j'étais chez Joël. Tu sais que moi je suis né quand je suis né. Oh putain. Oh là là. T'es violent, mec, je te jure. Il est trop bien celui-là. J'étais chez Jolan, rentre, et tu sais, j'avais posé ma Xbox dans un sac dans le couloir. Et du coup. Brossé dans la lucarne. Quelqu'un a sauté dedans. Non, c'est pas ça, c'est que mon père il a vu le sac, il l'a balancé dans le garage. Ah bah, il a fait. Brossé dans la lucarne. Et bah voilà. Et là par contre, ce jour j'ai pété un plocable. Ah bah là t'as. Tiens, mouille le maillot. Franchement, je suis content parce que la console elle a quelques pètes, mais elle fonctionne encore. Ah. Et elle a plus de 8 ans la machine donc. C'est résistant. Et je l'ai acheté d'occasion. Mais moi, je sais pas, ça m'est jamais arrivé de faire tomber une console, même ma Switch, qui est du coup une console à moitié portable quand même, jamais tombé. Est-ce que tu as été consolable? Les DS par contre, les DS. Hein? Est-ce que t'as été consolable? Ah, tu sors, mais vraiment sort. Je te tue, mais je t'aime. Voilà. Ah, ça arrête plus. Ouais, donc, voilà. C'était la dernière info qu'on avait, du coup. C'était Antoine qui a lancé une dernière info. Ouais, yes. De merde. pour le coup. Antoine, faut suivre les émissions. je suis, c'est la seule info que j'avais. Si t'as des nouvelles infos sur la PS5, tu nous les diras, bien sûr. Ouais, elle sortira la date de sa sortie. Ouais, voilà. Non, mais je crois qu'ils ont connu ça en octobre. Non, elle sortira la date de sa sortie, mais en retard, évidemment. Ah, oui. Parce évidemment. Que ça sort toujours en retard, évidemment. Ils sont en lien avec la SNCF ou... Franchement, il y a moyen. Il y a une filière. Il y a un truc. Il y a un truc à creuser. Voilà. Dans tous les cas, on va se retrouver jeudi prochain pour la spéciale Octoloup. Ah non, pas lui. Même heure, même jour, même date, même. Je sais plus ce que c'est le truc de la chanson. Même pomme. Toujours plus loin, toujours plus loin. Ah non, c'est pas ça. Je sais plus, il y a une chanson comme ça, très célèbre. Même heure, même date, même pomme. Ouais. Même pomme. Ouais, c'est. Je sais plus, c'est un truc de vieux ça. Patrick Bruel. Oui, voilà. J'ai pu attendre. On a Théo, notre spécialiste de vieux. C'est Place des Grands Hommes. La Place des Grands Hommes, oui, c'est ça. Oui, voilà. La Place des Grands Hommes. Même heure, même jour, même pomme. C'est ça. Un truc du genre. Même jour, même pomme. J'ai envie de dire ça. On se retrouvera quand on aura 30 ans. Ouais, c'est ça. Sur la Place des Grands Hommes. Et j'y pète la vitrine. Bah oui. À Patrick Bruel, lui, même tu pomme, le. C'est pas même Patrick vie. Bruel, tu es la femme, c'est pas le visage. Pète les vitrines. Ouais. Ah ouais. Bon, on est tous d'accord. Équipe PK Avenger, est-ce que vous êtes tous d'accord pour Patrick Bruel? On lui. Lui, j'y pète les vitrines. Non, je suis pas d'accord. Non. Ah, moi si. Oh non. C'est un très bon acteur, je trouve. Regarde-le dans Le Prénom. Oui, il est juste très bien. Le prénom. Il est très bien dans Le Prénom. Ah oui, alors, pas dans tous, mais juste dans Le Prénom. Juste dans Le Prénom. On en parlera peut-être dans PK Avenger, un jour ou l'autre. Si tu veux. Bah, je sais pas, Le Prénom est juste. Magnifique. Adapté d'une pièce de théâtre. Ouais, je préfère le film, la pièce de théâtre. Je sais pas la pièce de théâtre. Non, je l'ai vu. On verra bien. C'est trop joué. On verra bien. On en parlera peut-être dans Peck Avenger. Dans tous les cas, écoutez-nous, comme ça vous verrez bien. On parlera du Prénom et de Patrick Bruel. Dans tous les cas, on vous dit à jeudi prochain. Ouais. Toujours la même heure, donc à 21h. Big up à Vincent Baticle. Big up à Vincent Baticle. Je ne sais pas qui c'est, mais bon, dans tous les cas, on peut lui dire. Je te tue, mais je t'aime. Non, pas lui. Non, pas lui. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On peut rien lui dire. On peut rien lui dire? Non, c'est un amour. Oh, bah tiens, alors je lui dis ça. Je lègue ma guitare à Obispo. Voilà. Voilà, on lui dit ça. Et sur ces mots, on va s'arrêter. Oh, c'était un effet. Lui, je pète la vitrine. Voilà, ça c'est lui, je lui pète la rondelle. Alors, des bisous à tous et on va écouter Tequila Hurling. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.